Stephen King aime les soucoupes volantes, Stephen King aime les piles, Stephen King a écrit les Tommyknockers et John Power l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Je suis avec Chris, salut. Bonjour. Ouais, je sais, ça va quand même? Ça va. Malgré tout? Oui, oui, oui. Le magasin à côté de chez moi est en rupture de pile, je ne sais pas ce que ça annonce. C'est toi qui les as achetés ou pas? Non, non. Mais ma chère et tendre fait des trucs bizarres la nuit. Ah. Je ne sais pas ce qui se passe. Vérifie ton chauffe-eau, hein, dans le doute. La dernière fois que j'ai vu un chat se balader dans le couloir, il avait les yeux tout verts. En plus, ils sont quatre, il y a moyen de faire des armées. Hein. On peut dire un mot sur les actualités autour de King. Donc, il n'y en a pas autour de romans et compagnie, mis à part que la nouvelle traduction de Shining, a priori complète, est sortie en poche, donc ça peut être un truc à reprendre. Quand même incroyable de se dire qu'il a fallu attendre 2024 pour avoir une véritable traduction d'un roman anticulte, quand même. Ouais, c'est assez dingue, effectivement. C'est même pas dingue, en vrai, c'est honteux. Ouais. Le vrai mot, c'est ça. Et sinon, visiblement, de nouveau, on est en attente. Alors si, il y a les premières images qui sont arrivées pour l'adaptation de Salem, celle qui est décalée encore et encore, donc là je pense que ça a vraiment arrivé, mais c'est quand même très discret tout ça, comme s'ils voulaient mettre la poussière sous le tapis, c'est pas rassurant. C'est ça. Et le tournage de Derry, Welcome to Derry, est terminé, donc c'est la série préquelle à ça. Et ça se précise de plus en plus pour le tournage de la série L'Institut, et pour celui de l'adaptation de Running Man par Edgar Wright. Donc ça, plutôt des bonnes nouvelles dans ces deux derniers cas, parce que je les attends. Oui, tu fais bien de préciser les deux derniers cas, parce que voilà, Welcome to Derry, c'est bien un truc qui ne nous hype, mais pas du tout, quoi. Ah oui, ça, Welcome to Derry, par contre, absolument pas. Et puis sinon, non, toujours pas d'annonce claire sur le prochain roman. J'aurais espéré qu'on ait des nouvelles d'ici la rentrée, mais visiblement ce sera plus tard. Tant pis, on verra bien quand ça arrive. Hein. Le mec n'a pas sa dose. C'est ça. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir nous lancer dans les Tommyknockers. Oui. Nous allons spoiler le roman et l'adaptation qui est fidèle dans les grandes lignes, mais avec une fin différente. Donc voilà. Et c'est parti. Let's go! Let's go! Les Tommyknockers se passent dans une petite ville de campagne qui s'appelle Haven, qui n'est pas très loin de Derry. Nous suivons au début principalement deux personnages, une romancière qui écrit des westerns, Bobby, et son plus ou moins compagnon occasionnel, poète Jim Gardiner. Bobby déterre par hasard ce qui semble être une structure enterrée. Elle va commencer à creuser sans pouvoir s'arrêter, et à inventer des machines totalement fantasques. En fait, elle est en train de déterrer une soucoupe volante, comprend-on vite. Et les ondes émises par la soucoupe commencent à toucher tout le village, qui invente de plus en plus de machines bizarres sans bien comprendre pourquoi, et il commence à sombrer dans la folie, tandis que l'air du village devient irrespirable pour les gens qui n'y habitent pas. En 2009, King a dit que l'idée d'origine, à savoir une personne qui trébuche sur une soucoupe enterrée, lui était venue très tôt lorsqu'il était encore étudiant, mais qu'il avait abandonné vite à cause de la grosseur du projet et que les pages qu'il avait écrites à l'époque, il estime qu'il en avait écrit quelque chose genre 15-20, donc vraiment pas grand-chose, ont été perdues. Et il dit aussi qu'une inspiration probablement importante a été La couleur tombée du ciel de Lovecraft. Une autre inspiration qui est cette fois-ci donnée dès la préface du roman, c'est une comptine enfantine dont il reprend les premiers vers, donc une comptine enfantine, les Domino Curls, dont il a découvert que lui comme sa femme la connaissait avec des variantes, alors que les deux ont été éduqués dans des lieux différents des États-Unis et pas dans les mêmes milieux sociaux, et il pensait pas que c'était une comptine partagée, il pensait que c'était une sorte de régionalisme. D'accord. Il a mis pas mal de temps à l'écrire, ce roman, puisqu'il le commence en 1982. Dans Écriture, il indique que le plus gros a été écrit en 1986, pendant le printemps et l'été 1986 plus précisément, mais il y a d'autres sources de chercheurs qui estiment que, en réalité, le premier jet remonterait plutôt à 1983 et que potentiellement il l'aurait beaucoup retouché et corrigé en 86. Le climat de guerre froide se fait très très clairement ressentir dans ce roman. Jim Gardiner est littéralement obsédé par le péril atomique, et on peut voir la soucoupe comme une métaphore de ce péril-là, c'est d'ailleurs assez clairement dit dans le roman. Oui, oui, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Selon King, et c'est aussi plutôt flagrant, c'est aussi une métaphore de son addiction à la cocaïne, ce qu'il dit de plusieurs romans de son époque, on l'avait déjà signalé de Misery, mais c'est ici beaucoup plus flagrant que dans n'importe lequel des autres, avec l'obsession de Bobby pour le fait de creuser jusqu'à mettre sa santé en péril, les dégâts physiques que ça a sur elle, la perte d'appétit, la perte du sommeil, l'indifférence au reste du monde, la sensation d'énergie démesurée. Et même, je crois que les pertes de dents, c'est des choses qui peuvent à la fois ressortir dans les radiations nucléaires, mais je crois que la consommation excessive de cocaïne peut avoir ce genre d'effet aussi. Et les saignements de nez aussi, évidemment. Écoute, n'étant pas un consommateur, je ne saurais répondre à cette question. Alors, je consomme pas non plus, mais bon, on se renseigne, quoi. C'est pour un ami. Ouais, voilà, c'est ça. À noter aussi que Gardiner est particulièrement plongé dans son alcoolisme, peut-être plus que n'importe quel personnage de King, puisqu'il n'a même pas les tentatives de résistance qu'a Jack pendant au moins la première moitié de Shining. Lui, Gardiner, il est très très plongé dans la consommation de l'alcool pendant la grande majorité des Tommyknockers. Ouais. Peu après l'écriture du roman, Tabitha King va confronter son mari avec d'autres proches parce qu'il arrivait à plus rien écrire de correct, parce qu'il était vraiment lui-même totalement plongé dans son addiction à la cocaïne et son alcoolisme, afin de lui faire prendre conscience qu'il était en train de se tuer à petit feu et que elle refusait d'assister à ça. En fait, visiblement, ce qu'elle aurait fait, c'est vider un sac poubelle de son bureau, et les déchets, c'était quasiment entièrement des canettes et du matériel pour la coke. Ah oui, d'accord. Donc, il va se faire désintoxiquer à cette période, et c'est pour ça qu'en 1988, c'est la première année où aucun roman de King ne sort depuis un bon moment. Le seul truc où il a écrit des textes qui sort cette année-là, c'est Nightmares in the Sky, qui est un livre de photos de F. Stop Fitzgerald sur les gargouilles, accompagné de textes de King. Je ne l'ai jamais eu entre les mains, donc je ne sais pas exactement quelle quantité de textes il peut y avoir là-dedans. Ok. Malgré tout ce climat de guerre froide, le livre ne parle quasiment pas du bloc soviétique, mis à part quand Gardiner évoque Tchernobyl et les mensonges du gouvernement russe autour de ça. Il y a beaucoup plus une insistance sur le gouvernement américain. Je me suis demandé si c'était pas pour ça qu'il y avait une telle insistance sur la couleur verte plutôt que sur le rouge, qui était plutôt la couleur associée au bloc soviétique. Oui, exact. Parce que le communisme, tout ça. Mm. Et le gouvernement américain, qui est surnommé la police de Dallas par Gard et Bobby pendant tout le livre, en référence, en référence de manière amusante, pas à une théorie du complot, mais à leur nullité, Parce que ça fait référence à leur incapacité à avoir protégé le président Kennedy, puis son assassin, Lee Harvey Oswald. Oui. On l'a déjà dit à l'occasion de 22-63, King n'est pas complotiste sur l'assassinat de Kennedy. Mais par contre, quand il s'agit de dire que la police était plutôt nulle, là il le dit. Et a raison. Oui, c'est ça. King n'a clairement pas une vision très optimiste de ce que feraient les États-Unis d'une technologie révolutionnaire qui permettrait entre autres de construire des armes. Difficile de lui donner entièrement tort. Et il semble en fait penser que n'importe quel être humain, même bienfaisant au départ, serait dépassé et corrompu par un tel pouvoir. Il y a pas mal de références à d'autres œuvres, puisque le journaliste David Bright, qui apparaît dans le roman, était déjà présent dans Dead Zone. D'ailleurs, il évoque Johnny Smith. Mm. Le garçon que rencontre Gardener quand il se réveille de sa monumentale cuite sur les rochers au bord de la mer, Jack, sans que ce soit dit littéralement, il y a quand même de très très fortes chances que ce soit Jack Sawyer, le héros du talisman. Parce que dans ce qu'on sait de son physique et dans ce qu'on sait de sa vie, ça évoque ça. Dans ce cas-là, on apprend de bien tristes nouvelles concernant sa mère, qui était vivante dans le talisman. Des personnages aperçoivent ou entendent Gripsou quand ils passent par Derry, ça c'est un truc assez récurrent. Ouais. Le film Shining est mentionné par Gardener à un moment, et The Shop, qui apparaît surtout dans Charlie, mais qu'on avait aussi revu dans Contre-temps, est évoqué à la fin du roman comme récupérant un peu la situation de Haven. Ouais. C'est d'ailleurs dit que The Shop a été brûlé par une gamine quelque temps plus tôt. Ouais, oui, donc il y a aussi la référence à Charlie, effectivement. Ouais. Le roman, c'est un des deux seuls de King qui va être publié chez Putnam avec le recueil Brume. Il avait suivi là-bas son éditeur Alan Williams, mais leur partenariat va s'arrêter après ça, et la même année que les Tommyknockers, Misery, lui, était bien sorti chez Viking, l'éditeur traditionnel de King à cette époque. Et King va rester majoritairement chez Viking jusqu'à passer chez Scribner pour Sagdos, on en avait déjà parlé, suite à la fusion de Viking avec Putnam, justement. Il voulait vraiment pas être chez Putnam, visiblement, je ne sais pas pourquoi. Effectivement. Le roman sort donc le 10 novembre 87, donc assez tard dans l'année 87. Il est tiré a priori à 500 000 exemplaires, ce qui est un peu moins, je crois, que les King chez Viking de l'époque. Et il reste 23 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times, dont 8 semaines à la première place, et il va se faire renverser par le Bûcher des Vanités ensuite. D'accord. C'est une année vraiment solide pour King au niveau vente, parce qu'il avait commencé l'année à la première place avec ça, qui était sorti l'année précédente, mais il restait à la première place sur les premières semaines de janvier. Et il a une semaine à la première place en février pour Les Yeux du Dragon, et 7 en juin et juillet pour Misery. Et les Tommyknockers, malgré sa sortie tardive dans l'année, seraient la meilleure vente roman selon Publisher Weekly. King le considère comme son plus mauvais roman. Il en parle dans une interview à Rolling Stone en disant qu'il était bien trop dépendant en l'écrivant. Il parle de ça en 2014, disant « Les Tommyknockers est un roman épouvantable. C'est le dernier que j'ai écrit avant ma désintox. J'y ai beaucoup pensé ces derniers temps et je me suis dit qu'il y avait vraiment un bon roman là-dedans, derrière toute l'énergie confuse de la cocaïne, et que je devrais y revenir. Le livre fait environ 700 pages et je me dis qu'il y a certainement un bon roman de 350 pages dans tout ça. » Mmh. Je l'ai trouvé dans un top des meilleurs King, dans un seul, à la 6ème place. Ouais, j'ai été surpris de le trouver. Mais dans un top Vulture de 2014, il est à l'avant-dernière place, il est devant Rose Madder, et il est aussi à l'avant-dernière place dans un top de Screen Rant, mais devant Dreamcatcher cette fois-ci. Et globalement, il fait rarement mieux que le milieu de classement, et même plutôt le milieu bas du classement. Et bien, voilà, nous allons pouvoir passer à nos avis. Je vais te laisser commencer. T'es sûr ? Oh, bah vas-y, oui. T'es sûr que tu me laisses la parole pour donner mon avis ? Attention, ce podcast va devenir 18 ouais, plus. Ouais, c'est ça, podcast PG-18, on le signale tout de suite. Attention, parents, avertissement parental, tout ça. Effectivement, je suis d'accord avec l'auteur lui-même. C'est son pire roman. C'est de la merde infâme. Voilà. C'est un roman de quasiment 1000 pages. Et sur 1000 pages, une fois que t'as dépassé les retrouvailles entre Jim et Bobby, qui doivent arriver à la... Allez, entre 150 et 190, je dirais, tout devient nul à chier, mais totalement. Les personnages deviennent cons comme des balais, c'est plutôt pas très bien écrit, la temporalité est totalement pétée, le rythme est infernal, c'est ultra mauvais, voilà. C'est-à-dire, je préfère relire 1000 fois Dreamcatcher que ça. Oui, pareil, il y a beaucoup d'idées au moins dans Dreamcatcher. Voilà. Bah, je suis relativement d'accord. Je trouve que la première partie, donc effectivement, jusqu'aux retrouvailles, il y a des choses qui marchent. Il y a même quelques scènes qui marchent vraiment bien, pour le coup, malgré des longueurs qui sont déjà clairement présentes. Un des défauts du roman, c'est que ces deux protagonistes, pour différentes raisons, en partie à cause de l'alcoolisme de Gardener, qui n'est pas le thème le plus maltraité du roman, on y reviendra, mais les deux sont pas très attachants, ils sont même plutôt antipathiques à pas mal de moments. Et effectivement, à partir du moment où le point de vue va s'élargir à l'intégralité du village, ça devient très très long, on va s'attarder sur des personnages auxquels on ne s'attache pas, dont on n'a pas grand chose à faire. On va passer rapidement de l'un à l'autre et en même temps on a toujours l'impression de rester dans de l'anecdotique où il ne se passe pas grand chose. Et la troisième partie élargit encore le cadre pour introduire l'extérieur de Haven et ça devient encore pire avec des chapitres entiers qu'en fait on pourrait faire sauter parce qu'ils n'apportent strictement rien à l'intrigue à part des petits détails sur le fait que la ville se protège contre les pénétrations extérieures. Oui, et encore, ça on le savait même déjà d'avant ça, quoi. Ouais. Donc vraiment, effectivement, on s'en fout. Effectivement, la temporalité est au mieux confuse, voire, on y reviendra, franchement faillible. Il y a des erreurs factuelles dans les Tommyknockers au niveau de la gestion de la temporalité. Mm. Ça va un peu nulle part. Il y a plein de trucs qui se mélangent pour des thèmes qui auraient pu être intéressants mais qui ne sont jamais suffisamment exploités et qui se perdent au milieu de tout le reste. Oui. Comme tu le dis, c'est pas remarquablement bien écrit. Donc ouais, c'est un roman raté, clairement. Ah oui, oui, totalement. Et ça a été dur d'arriver jusqu'au bout. Surtout que toi, c'est ta deuxième lecture. Moi, c'est... je ne l'avais jamais eu parce que j'en avais tellement entendu du mal. Voilà, et puis un jour, un certain Issam me demande si je veux participer à un podcast. Et du coup, bah, je me retrouve obligé de lire cette sombre merde infâme. Voilà. C'était ma deuxième lecture, et pourtant, j'avais l'impression de quasiment tout redécouvrir, parce qu'à part Bobby, Gardener et le chien, j'avais vraiment tout oublié de ce livre-là, vu le nombre de trucs inutiles qui se passent. Voilà, vu que rien n'est intéressant, tu oublies tout. Fatalement. Ouais. Il y a, je pense, un des personnages les plus mal écrits de King aussi dedans. Alors, tu penses auquel ? La sœur. Mmh. La sœur de Bobby. Oui, d'accord. On y reviendra un peu plus tard, du coup, parce que le personnage arrive assez tardivement, finalement. Ouais. Et en fait, c'est un peu le souci de ce roman-là, et ça fait partie du souci de la temporalité, c'est que tous les personnages secondaires arrivent beaucoup trop tard, en fait, à tel point que à aucun moment tu ne t'attaches à eux. Soit ils arrivent très tard, et même il y en a qui arrivent au début de la deuxième partie, on pourrait se dire que ça va encore, mais comme on passe beaucoup de l'un à l'autre, on va très très peu les voir, en réalité. Oui. Et du coup, pour terminer avec le problème de temporalité, je ne comprends pas pourquoi il a procédé comme ça. Pourquoi il a procédé à une première grosse partie sur Bobby et Jim, ensuite tous les personnages secondaires, puis on revient sur un fourre-tout abominable. Pourquoi ne pas avoir fait tous les personnages secondaires de Haven au même temps dans la première partie ? Pour qu'au moins on ait le temps de s'attacher à eux. En fait, je pense que je vois la logique. Je pense qu'il voulait reprendre un peu la progression des ondes de la soucoupe qui, au début, ne touchent que Bobby, puis qui, peu à peu, se diffuse au village et finalement, ça a des influences sur les environs et sur l'intégralité de la région. Je pense que c'est ça qu'il a voulu faire comme effet, mais en effet, ça ne marche pas. Bah non, clairement pas. Dans la deuxième partie, pour signaler effectivement ce choix d'écriture, avant de revenir plus en détail, peut-être plus chronologiquement, en fait, la première partie est chronologique dans l'ordre des événements, peu près en tout cas, mis à part qu'on revient en arrière à un moment pour récupérer Jim, mais c'est grosso modo chronologique. À partir de la deuxième, en fait, les chapitres fonctionnent par personnage. Avec un ou deux chapitres consacrés à chacun des personnages qu'on va découvrir. Et donc, des fois, on revient une semaine, deux semaines en arrière pour raconter des événements qui se passent en même temps que ce qu'on vient d'avoir, mais avec d'autres personnages. Des événements qui, des fois, se chevauchent les uns des autres, qui s'influencent les uns des autres, pardon. On a aussi des flashbacks sur le passé lointain des personnages, et donc ça fait une temporalité assez compliquée dans laquelle on finit par se perdre en tant que lecteur et dans laquelle King a fini par se perdre en tant qu'auteur. Et c'est encore pire dans la troisième partie, où vraiment les deux derniers chapitres se passent simultanément. C'est juste qu'il y en a un qui est centré sur les personnages de l'extérieur de la ville, et il y en a un qui est centré sur les personnages de Haven. Et du coup, ça brise totalement toute implication dans le final, pour moi, ce choix dans les deux derniers chapitres. Oui, totalement, oui. Donc voilà, un choix d'écriture assez étrange, on va dire. Qui rend très très mal, en tout cas. Ouais. Mais donc, pour revenir sur les débuts, sur la première partie, la seule à être présente dans les quatre premiers chapitres, c'est Bobby. Même Jim Gardiner n'apparaît qu'à partir du cinquième chapitre. Oui. Et donc, pour résumer rapidement, Bobby, en se baladant sur son domaine, parce qu'il a un gros domaine forestier, va trébucher sur quelque chose qui fait très peur à son vieux chien. Elle va commencer à creuser, au début en se disant c'est léger, et puis de plus en plus sans pouvoir se retenir. Il y a déjà les premiers effets bizarres de la soucoupe. Donc c'est le chien qui va mieux, qui avait une cataracte, qui se soigne, les règles de Bobby qui sont particulièrement abondantes, le fait que les insectes commencent à mourir, la perte de la notion du temps. Ah, pas que les insectes, même des plus petits animaux, enfin des animaux petits. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a la marmotte. Les oiseaux, ou on la pas. Marmotte, voilà. Ouais. Il y a la scène chez le vétérinaire. Oui, alors avant ça, il y a aussi, il y a aussi Bobby qui est en espèce de simili-trans. Oui, qui perd totalement la notion du temps, ouais. Voilà, qui se met vraiment à creuser, à donf, à donf, à donf, et c'est son chien qui, en fait, en gueulant, la réveille et la sort de sa transe. Et en fait, elle se rend compte, je suis sorti, il vise les jours, et maintenant, il fait tout nuit. Ça fait partie des trucs qu'on peut lier à la cocaïne, d'ailleurs, cet état de transe. Mmh, tout à fait. Surtout, le début du roman, la cocaïne est une... est un parallèle pas mal plus évident que ne l'est le nucléaire, qui arrivera plutôt clairement à partir du moment où Jim apparaîtra. Oui, oui, lui, c'est plus le cheval de bataille de Jim Gardner, l'aspect nucléaire. Ouais, clairement. Je trouve pour le coup que voilà, dans les scènes qui marchent bien, il y a la scène chez le vétérinaire, j'attends pas mal, moi. Oui, tout à fait. Avec une bonne exposition sur le mystère du pourquoi le chien va mieux au niveau de sa cataracte, et puis après, surtout, le fait que tous les animaux, dès que lui retourne dans le hall d'accueil, se mettent à gueuler, quoi. Ouais, à être furieux, à avoir peur et à vouloir attaquer. Mmh. C'est pas quelque chose de particulièrement rare dans la science-fiction et dans l'horreur, les animaux qui perçoivent les trucs un peu bizarres, un peu paranormaux, mais là, c'est bien mené, c'est une scène qui fonctionne. Oui. À noter que ça m'a fait penser à Contretemps, là aussi, parce qu'il y a la lueur dans l'œil de Pete, de Peter, quand ça soigne sa cataracte, une lueur verte, donc c'est vraiment la même chose que dans Contretemps. C'est super! Ouais, hein, c'est les grandes œuvres de King qui se rejoignent. Ah oui! Le Shitty King's univers! c'est un des mondes de la Tour Sombre. On peut accéder, ah oui, on peut sombre, accéder c'est à l'univers où il y a tous les trucs nuls de King. Celui-là, même Roland, il ose pas y aller. Il condamne la porte direct. Mais donc, globalement, sur ces quatre premiers chapitres, et ça remplit déjà quand même pas mal de surface de romans, il s'est globalement pas passé grand-chose de plus. Alors, c'est pas quelque chose de rare, les débuts très lents chez King. Mais là, on peut déjà avoir un petit sentiment de longueur. Oui, clairement. C'est moi, j'ai une édition grand format France Loisirs écrit plutôt petite du roman, et on en est à la page 56 à ce stade-là. Donc toi, ça doit en être pas loin de la centième, je pense. Gardener fait une chute, je crois que c'est le premier chapitre où il apparaît. Ouais, c'est ça. Donc oui, c'est page 86. Ouais. Et donc l'arrivée de Gardener, qui est un personnage vraiment de premier abord assez intéressant, je trouve, dans le traitement effectivement donc de son alcoolisme, son rapport au gouvernement, sa défiance face au nucléaire. Et je trouve que, alors plus la défiance face au nucléaire, dans la scène où il est introduit réellement, je trouve que c'est bien fait. Je trouve que le dialogue qu'il a est crédible, ses réactions aussi, et surtout son long discours quand il se prend la tête avec, avec Monsieur Nucléaire, surtout. Ouais, l'homme de l'énergie. L'homme de l'énergie. Vraiment, le dialogue est bien ciselé, c'est vraiment l'une des scènes qui fonctionne très très bien dans le roman, je trouve. Ouais, et puis même la manière dont il recommence à boire avec son pote qui l'entraîne, et donc le fait qu'il sent qu'il va chuter, mais qu'il n'arrive pas à se retenir, oui. C'est bien mené, je trouve. En fait, oui, Gardener est un personnage intéressant, ça je pense même qu'il reste intéressant jusqu'à la fin, pour le coup, Gardener. Le souci, c'est qu'il va pas être très présent, passer un certain stade, parce que son alcoolisme le rend très passif. Oui, voilà, c'est ça. Mais très secondaire. Le problème n'est pas Gardener en lui-même. Par contre, ça complique largement l'attachement à lui, parce que un alcoolique au dernier stade de l'alcoolisme, on peut le comprendre, on peut... je vais pas dire le prendre en pitié, c'est pas la bonne formule, mais on peut... avoir de l'empathie pour lui, mais avoir de l'affection, oui, c'est différent. Plus compliqué. Oui, c'est pas vraiment deux sentiments identiques. Ouais, et là, le personnage, malgré tout ce qui est légitime dans la scène sur le nucléaire, c'est quand même plutôt un connard. Oui, clairement. D'ailleurs, un connard au sens très littéral, c'est clairement dit par King, parce que dans un moment d'alcoolisme quelques années plus tôt, il a tiré sur sa femme, hein, quand même. Ça l'a poussé loin, l'alcool. Dès le début du roman, on ne ment pas sur la marchandise. Un Gardener est vraiment montré comme un personnage plutôt détestable. Ouais, c'est ça. Le souci, c'est une idée potentiellement bonne, mais dans un roman qui va largement manquer d'attache émotionnelle, ça aide pas. C'est ça le souci. Mais en effet, la scène sur le nucléaire, on sent que King a fait ses recherches sur les centrales, sur les différents incidents. Effectivement, le livre est écrit pas tant de temps que ça après Tchernobyl. Oui. C'est quelle année Tchernobyl déjà ? Très bonne question. Je revérifie. Je dirais la deuxième partie des années 80 ? C'est 86. Donc en fait, c'est même que le livre a été écrit pendant les incidents de Tchernobyl, parce que c'est le 26 avril 86, donc ça correspondrait à la période où, selon King, il est en train de l'écrire de la manière la plus active. Mm. Donc toute cette peur, elle est plutôt justifiée parce que, oui, c'est indéniable, les gouvernements, que ce soit les gouvernements russes ou américains, avaient menti à cette époque. Enfin, russes ou américains... ou français. On s'en souvient hein, du nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. Oui, il avait pas ses papiers, écoute. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, il s'est passé des saloperies pendant le gouvernement Mitterrand, quand même. C'est dingue. Ah oui. Mais ouais, ça montre bien cette peur, tout ce qui est autour des centrales nucléaires, où effectivement on peut tout à fait discuter de la légitimité ou non d'une centrale nucléaire, surtout à cette époque où les alternatives de renouvelables étaient quand même moins développées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Oui. Donc effectivement, ça permettait de faire de l'énergie plus propre que le charbon et compagnie, mais en même temps, les mensonges constants sur les dangers... Les failles de sécurité totalement dingues qui sont cachées et qui, si ça tournait mal, pouvaient entraîner des accidents assez délirants. C'est les trucs documentés, c'est les trucs un peu avérés qu'il y a eu mal de saloperies autour du nucléaire. C'est même clairement acté. Ouais. Donc la peur de Gardener, qui je pense reflète des peurs que pouvait avoir King à cette époque... Elle est crédible. Elle est largement crédible. Et surtout, là, pour le coup, une qualité du chapitre, c'est que le gouvernement américain est mis au même niveau que le gouvernement de l'autre bloc. C'est pas le nucléaire traité sur le mode « c'est l'ennemi soviétique communiste qui va nous envoyer ses missiles à la gueule ». Il y a vraiment une égalité du traitement. Oui, clairement. D'ailleurs, ça mentionne aussi, je crois, Hiroshima et les photos des qui étaient revenues des victimes d'Hiroshima, qui sont effectivement des trucs assez durs à soutenir. Oui. Mais donc voilà, un chapitre réussi qui va signer la chute de Gardner, puisqu'après ça, il a une semaine, grosso modo, de trou noir. Voilà. La chute de Gardner est la chute de la qualité du roman. Oh, il reste encore 2-3 bons chapitres, quand même. On a un tout petit peu de temps. Après, c'est quoi, c'est Gardner qui se réveille sur les rochers. Oui, et qui, du coup, veut prendre la route de Haven, parce qu'il a des flashs de Bobby à qui il arriverait des trucs bizarres. Ouais, c'est ça, comme s'ils avaient une sorte de lien télépathique. Oui. Pour le coup, moi, la scène de l'éveil sur les rochers, je l'aime plutôt bien, mais c'est peut-être juste parce que c'est Jack du Talisman, et que j'aime beaucoup Jack du Talisman, et que c'est limite le personnage à qui je suis le plus attaché dans les Tominokers. Ce qui est con, il apparaît deux pages. Et du coup, vu que je le connais pas, c'est peut-être pour ça que j'en ai rien à foutre. Peut-être, peut-être. C'est aussi là qu'on a les évocations de la plaque qu'il a dans la tête, qui sera pour le coup quelque chose d'important. Ça lui permet de capter la radio, suite à un accident de ski. Ouais. C'est pratique quand tu t'emmerdes. Oui, enfin, encore faut-il capter la bonne station, je sais pas si c'est très réglable. Imagine, tu t'emmerdes et en plus, tu tombes sur l'émission de Koé. Ah putain. Oui, mais du coup, c'est également pratique lors d'invasions extraterrestres. Et on le dira pourquoi. Oui, c'est ça, mais bon, j'espère qu'il y en aura pas. J'espère qu'il y en aura pas de sitôt. C'est bon, là, on a déjà eu les élections législatives, Macron qui veut pas nommer de gouvernement, on va pas nous mettre des extraterrestres en plus, ça suffit. Il fait donc son voyage de retour en rencontrant des gens sympathiques en route, je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Et il retrouve Bobby là dans un état qui rappelle vraiment énormément une personne dépendante à la drogue, vu qu'elle a clairement pas mangé depuis une éternité, elle a beaucoup maigri, elle affaiblie. Sait plus la date. Totalement affaiblie, ouais. Ouais. Et on n'a plus de nouvelles du chien. Ouais. Vous vous doutez que j'étais super attaché à ce chien. Alors par contre, blague à part, c'est un gros souci de ce des Tominokers. C'est que des fois, t'as des personnages comme ça, ils disparaissent et voilà. Tu sais pas où ils sont, tu sais pas ce qui se passe. Voilà. Mais après, pour le coup, Peter, on saura ce qu'il est devenu. Oui, mais beaucoup trop tard, en fait, pour que ça ait un véritable impact, je trouve. Oui, c'est ça. Après, là, du coup, ça me va que tu le confirmes, parce que moi, ça a pas eu d'impact pour moi, mais je me suis dit, c'est parce que les chiens, je m'en fous, mais visiblement, non, c'est pas que ça. Non, mais en fait, quand t'arrives sur ce passage-là, tu sais qu'en fait, non, il est pas juste mort. Oui, c'est clair. Autre chose. Mais du coup, ça arrive tellement. Enfin, on en entend tellement plus parler qu'en fait, dans ta tête, toi-même, tu te dis ah bah si, finalement, il est peut-être juste mort. Ouais. Ça, c'est peut-être une des conséquences du fait que Gardner va s'aveugler à la réalité pendant un bon moment, ce qui, encore une fois, est un thème potentiellement intéressant. Mais ça, cet effet néfaste-là. Oui. Donc, il retrouve Bobby. Ouais. Qui s'est transformé en MacGyver des temps modernes. Ouais. Très fébrile aussi. Très fébrile, oui. Et là, c'est vraiment à partir de là où le roman m'a totalement perdu. Enfin, ça commence. Ça va progressivement. C'est vraiment à partir de la deuxième partie, moi, que ça me perd totalement. Parce que, je sais pas toi, mais... Alors, le fait que les esprits des Tominokers et tout, que le vaisseau donne, ou en tout cas encourage les personnages à créer des choses, ça, je trouve ça intéressant. Le problème, c'est qu'on se perd dans des explications de comment les choses sont créées, à quoi elles servent, comment ça marche, alors qu'on s'en fout, mais royal. Ouais, il aurait suffi de s'arrêter aux boîtes à eux, à plein de fils, et voilà. Au pile, à la limite, ça c'est intéressant. L'explication du chauffe-eau, mais ça dure mais 1000 ans. Oh là là là là, mais arrête-toi, quoi. Surtout qu'après, on enchaîne sur le... On enchaîne sur le tracteur, ensuite sur la machine à écrire. Oh là là là, stop, stop. En fait, on dirait un peu que King veut faire de la hard SF, tout à coup, alors que c'est clairement pas le style du roman, tu vois. Un roman de hard SF où t'as une explication de 5 pages sur le fonctionnement d'un moteur de fusée, à la limite, j'ai signé pour ça, c'est normal. Oui, voilà. Et souvent, ça a des implications réelles sur l'intrigue, tandis que là... pas vraiment, vu que ça va être développé plus tard, que justement personne ne sait exactement quelle est la technologie derrière. C'est un peu ce qu'expliquera Bobby. En fait, elle relève plus d'une sorte de singe savant que d'un réel génie. Elle fait ce que lui disent les voix dans sa tête, mais elle-même ne comprend pas comment ça fonctionne. Oui, c'est ça. Donc à quoi bon essayer de nous expliquer comment ça fonctionne? On s'en fout, en fait. Ouais. Ce qui est plutôt intéressant dans le chapitre 8 comme scène, c'est qu'il y a un moment où Gardener se réveille dans la nuit et il voit la lumière verte en train de soigner. Oui. Sauf que la scène est écrite entièrement en italique, comme le sont les scènes de rêve au fil du roman, et donc ça donne l'impression, enfin ça transmet l'idée que Gardener croit qu'il est en train de rêver, alors qu'on sait bien que c'est une scène réelle. Je ne sais pas pourquoi tout ce passage a été écrit comme ça. Incompréhensible. Bah, c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Ça donne vraiment l'impression qu'il voit un truc vrai, mais lui il croit que c'est un rêve. C'est une des rares bonnes idées, je trouve. Moi, ouais, mais ça perd plus qu'autre chose, je trouve. Oui, mais je pense que c'est le but, là, pour le coup. À la limite. Vu tout le reste, je suis pas sûr, mais bon. Ouais. Effectivement, Bobby invente plein de machines, donc la machine à écrire qui fonctionne par télépathie et qui lui permet d'écrire un grand roman en seulement quelques heures. Oui, alors qu'elle est en train de vaquer à d'autres occupations. Ouais. Ça, c'est une bonne idée, pour le coup. Bien plus que le chauffe-eau et le tracteur. Ouais. Bon, quoi que réparer son chauffe-eau, c'est utile, attends. Oui, bah disons qu'en fait, le chauffe-eau, vu que c'est la première bricole que Gardner tombe, c'est logique qu'elle y soit, c'est vraiment le tracteur qui me... Oui, le tracteur, c'est plutôt dispensable. Ah, le chauffe-eau avec moins d'explications. La machine à écrire, en plus, ça prolonge, je pense, le rapport que King devait avoir à la drogue en général, parce que il l'a déjà dit, c'est qu'il avait l'impression qu'il pouvait pas écrire sans être sous l'influence de cocaïne et qu'il n'écrivait que des bonnes choses que sous l'influence de drogue. Donc d'une certaine façon, Bobby est une projection de King avec cette histoire de machine à écrire qui lui permet d'écrire très vite et ses meilleurs romans. Oui. Ce qui est intéressant dans l'idée, dans la mesure où c'est un roman qu'il a écrit avant de se faire désintoxiquer, donc avant de s'avouer à lui-même vraiment clairement son addiction. C'est un peu un côté... Un côté il en parle sans en avoir, sans vouloir l'avouer pleinement. Ouais. Ça donne lieu à une scène qui, pour le coup, je trouve un peu longuette, mais loin d'être inintéressante. C'est la scène où, justement, Gardner pense... Bobby, à distance, lit du coup un peu en lui et lui répond via la machine à écrire alors qu'elle n'est pas là. Oui, effectivement. Si ça avait été adapté tel quel dans le téléfilm, ça aurait pu donner un bon moment d'angoisse d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas possible vu que dans le téléfilm, ils n'arrivent pas à lire dans ses pensées. Bah, oui. Bobby n'y arrive pas. Ouais, elle n'y arrive pas du tout tandis que c'est plus flottant dans le roman. Mais bon, il y aurait eu moyen de faire quand même la machine à écrire qui répond, ce qui n'est pas réellement repris. Oui. Mais bon, voilà, on y reviendra le moment venu. Mais ouais, la scène est un peu longuette, mais l'idée même est pas inintéressante. Elle va montrer la soucoupe à Garde, enfin. Oui. Donc elle l'a déjà bien déterré, elle a déjà bien avancé dans son travail. Ouais, c'est déjà un beau chantier, effectivement. Ouais. Et c'est là, elle commence à évoquer que ça touche peut-être tous les habitants de Haven, même si ça, on aura les détails que dans la deuxième partie. Et c'est là qu'ils ont leur long débat, qui est pareil, est trop long, mais pas foncièrement inintéressant, sur qu'est-ce qu'il faut faire, et surtout sur les conséquences que ça aurait de prévenir les autorités. Oui. Bah, c'est juste un débat sur est-ce que finalement le gouvernement américain est fiable ou pas. Ouais. Ça se résume à ça. Mais, comment dire, je pense que même malgré la drogue qu'il avait en overdose dans le sang, King devait quand même avoir une véritable notion, comment dire, plutôt juste de la situation mondiale, on va dire. Et comme on l'a évoqué juste avant, il n'y a pas les méchants et les côtés de l'autre, d'un côté et de l'autre côté les gentils, comme avec le bloc soviétique et les Américains de l'autre côté. Vraiment, pour lui, tout le monde est potentiellement un enfoiré, surtout si tu lui mets quelque chose de potentiellement dangereux entre les mains. Ce qui, hélas, n'est pas que valable pendant la guerre froide et les années 80, puisque encore aujourd'hui, on le constate avec pas mal de technologies, dont les technologies IA, qui, c'est à peu près certain, vont servir, c'est déjà le cas dans certains pays en fait, vont servir à la reconnaissance faciale et en fait à la surveillance généralisée. Oui. Donc, oui, que le gouvernement utilise avant tout pour dominer les nouveautés technologiques, c'est quelque chose qui reste vrai aujourd'hui, hélas. Oui, mais c'est quand même quelque chose, c'est que c'est une nuance que King a finalement toujours eue, le fait que tout ne soit pas tout blanc ou tout noir. Ouais. Et c'est vraiment ce qui transparaît de beaucoup de passages des Tommy Knockers quand il s'agit de parler politique, gouvernement et divers autres sujets beaucoup plus sérieux. Globalement, la surveillance envers les structures gouvernementales et les structures, enfin les représentants de l'ordre, ça a été présent très tôt dans son œuvre et à travers Oui. tout, parce qu'on l'avait déjà signalé justement en parlant de Charlie, où The Shop est totalement antagoniste. Tout à fait. Malgré des craintes qu'on pouvait comprendre sur les pouvoirs de Charlie, ça restait juste une structure qui faisait des saloperies. Donc oui, c'est déjà bien qu'il tombe pas dans une opposition binaire avec les méchants étrangers d'un côté et les gentils américains de l'autre. Là, plus ou moins tous les représentants gouvernementaux sont des salopards. C'est ça. Encore un jour. Bonne nuit. Les Américains commencent enfin à comprendre qu'il faut replacer Tchernobyl dans son contexte. Il va recommencer les travaux de la nouvelle centrale. 26 morts, bien sûr que c'est affreux, mais 200 personnes sont mortes dans le dernier accident d'avion, et c'est pas pour ça que le gouvernement a fermé toutes les compagnies aériennes. À Tchernobyl, ils ont tué des gosses. Vous le saviez, ça? Des gamins de 9 ans, et d'autres encore, dans leur mère. N'est-ce pas, monsieur Kilowatt? Je vais m'occuper de toi. Oh, Patricia. C'est vrai? Ça fait un bail que j'attends que tu me fasses une proposition de ce genre. Est-ce que tu préfères qu'on monte à l'étage ou qu'on fasse ça ici pour que les invités s'en fassent l'œil? Je veillerai à ce que tu n'aies plus jamais le moindre travail, espèce de goujat écrivain raté. Ah, la tienne, ma chérie. Espèce de salaud. Mais donc voilà, là on a encore dit régulièrement du bien et ça va largement s'atténuer parce que la première partie est terminée. Donc moi, dans ma version du roman, on en est à la page 180, on est un tout petit peu en dessous du tiers. Et après, ça devient compliqué. Et après, ça devient compliqué vu qu'on passe d'un personnage à l'autre et que globalement, ils sont tous vraiment pas très intéressants. Ouais. Alors avant de passer d'un personnage à l'autre, on a un chapitre, certes court, mais qui est consacré à l'histoire de la ville déjà. Même ça, on a... enfin. Il est chiant, en crevé. J'allais dire on, mais moi j'en avais. Bon bah finalement, du coup, on est du même avis. Vraiment, pourquoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir qu'il y a des années, il y a une bande de connards qui ont fait des votes pour savoir comment la ville allait s'appeler? Non mais. Ah oui, mais. Oui, je pensais qu'il allait nous mettre des archives, des extraits, des registres de la ville. Du plan de la ville là pour savoir qui possède exactement chaque parcelle de terrain. Surtout que alors que le vaisseau normalement est déjà censé être là, il n'a pas d'impact en fait sur ce court chapitre. Ouais, mis à part peut-être sur le prêcheur qui s'est tapé la moitié des filles de la ville. Oui, voilà, peut-être sur lui éventuellement, mais c'est nul quoi. Ouais. Et ensuite. En effet, on entre dans les chapitres dédiés aux différents personnages, donc on peut faire ça sous forme de quiz. Est-ce que tu te rappelles de qui est Becky Paulson? Pas du tout. Becky Paulson, c'est la femme du facteur Joe Paulson, ah qui se tape sa nouvelle collègue. Oui, d'accord. Putain, mais ces personnages sont tellement nuls. Ouais. Et donc Becky Paulson aime beaucoup Jésus. Et du coup, est-ce que tu te rappelles un peu de ce qui lui arrive à elle? Bah, elle meurt comme tout le monde, non? Oui, bon, ça oui, mais on va donner les étapes tout de même. Ça évitera aux gens d'avoir à lire le livre. Vraiment, je me souviens plus. La majorité des choses qui se passent dans le fameux livre 2, conte et légende de Haven, vraiment m'ont totalement échappé. Alors, elle, en fait, c'est les Tominoxers qui commencent à lui parler via la statue de Jésus qu'elle a, et qui lui disent que son mari la trompe, ils lui apprennent ça. Et du coup, elle décide de tuer son mari grâce à un gadget électronique dans la télévision. Dans la télé, oui. Ça, c'est fidèle à la série. Ouais, elle se tue aussi elle-même parce qu'elle essaie de l'aider au dernier moment et du coup, elle s'électrocute aussi et leur maison prend feu. Oui, voilà. Voilà, c'est ce qui se passe dans ce chapitre-là. Et on n'en a pas grand-chose à faire parce qu'on s'en fiche de ce perso. Hein. Bah, le problème, c'est qu'on vient de le rencontrer, donc... Oui, c'est ça, elle a le droit à un chapitre qui fait 12 pages dans mon édition, peut-être 20 dans la tienne. Et c'est tout. C'est vrai que c'est la première apparition très remarquée des effets négatifs des Tominokers, mais c'est mal amené. Ah oui, totalement. Parce que le bordel chronologique va commencer dès le chapitre suivant, qui est cette fois-ci Illy Brown, donc le petit gamin magicien. Ah oui, celui-là, je me souviens. Avec son grand-père là, qui l'incite à faire des tours de magie. Ouais. Et qui fait disparaître son frère. C'est ça. Et que ça servira à rien. Ou alors, je lui demanderais bien la technique, moi, mais c'est pour des raisons perso. Non, mais on est d'accord que là, il y avait une piste pour faire un vrai roman de SF avec une intrigue, avec le gamin disparu qui fait ses trucs sur la planète. Oui. Et c'est pas utilisé. Ou vraiment la recherche du gamin aussi. Oui, mais du coup, t'aurais pu faire en parallèle la recherche du gamin et lui qui, justement, fait des trucs sur l'autre planète, sur Altaïr 4. Et c'est pas utilisé. Je dis, mais quoi ? Mais pourquoi ? Alors qu'on sent qu'il veut l'utiliser, puisque ça reviendra plusieurs fois, quand même, David Brown. Oui, le fait que le gamin est là-bas, qu'il aura peut-être une utilité un jour, voilà. Et le roman se conclut sur les deux frères Brown, aussi. Oui, qui sont perdus sur Altaïr 4. Oh non, ils sont revenus à la fin. Ah non ! C'est dans la chambre d'hôpital ? Ah non, pas pour moi. Attends. Bah si, il y a même l'infirmière qui les voit. Attends, mais du coup, on va faire une... Attends, mais comment ça ? Sous chapitre 5 de la conclusion, à la fin, t'as l'infirmière qui voit qu'il y a deux enfants dans le lit d'hôpital. Ah oui, attends. Ils ont bien réussi à ramener David à la fin. On est à combien de millions de kilomètres du soleil ? Pff, bah, 163 millions, ça me paraît une bonne estimation. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, moi, qui me perturbait. Oui, si, je crois que... Attends, yeah. Distance Terre-Soleil, hein, on va chercher qu'on ça. Est-ce qu'on est à 100 parsecs de l'axe polaire de la galaxie ? Alors ça, je suis moins certain, mais... D'ailleurs, j'ai pas compris hein, comment ils ont fait pour se rassembler, hein, les gamins. Alors, apparemment, c'est environ 150 millions de kilomètres, mais l'estimation était peut-être moins exacte à l'époque. À l'époque. Tu disais quoi, pardon ? J'ai oublié comment ils ont fait pour retrouver les gamins. On y reviendra, c'est pas très intéressant. Ah, c'est grâce à Gardener, mais c'est pas super intéressant. Et ta gueule, c'est magique. Il y a un peu de ça. Donc oui... Il y a le spectacle de magie. Et donc il fait disparaître son frère. Et c'est la panique. Il y a toute la ville qui part à leur recherche. Et on s'en fout. Concrètement, voilà, c'est ça. Ouais. Déjà là, on est... en fait, le chapitre Illy Brown commence avant les événements du chapitre précédent, du chapitre Becky Paulson. Et se termine après. On entend parler de l'incendie de la maison de Becky Paulson au milieu du chapitre consacré à Illy Brown. Mais donc, quand ça arrive une fois, pourquoi pas, mais comme ça arrivera 50 fois, ça va devenir assez compliqué à suivre. Et on peut signaler que Illy tombe dans une sorte d'état catatonique. Oui, après avoir fait disparaître son frère. Son grand-père va l'amener dans un hôpital en dehors de la ville. Ce qui va resservir pour la suite, pour le coup, que le grand-père, surtout, soit en dehors de la ville. Oui, le grand-père qui aura effectivement son chapitre plus tard, c'est pour ça que, pour l'instant, on laisse ça de côté. Après, je vois que c'est Bent et Jingle. C'est les deux flics, ça. C'est ça, c'est les deux flics. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont appelés à Haven, tu te rappelles ? Pour aider à chercher le gamin, non ? Non, c'est après le gamin, c'est parce que là, il y a eu un accident, et c'est là qu'ils se rendent compte que Rousse est morte. Rousse, dont on n'a jamais entendu parler auparavant. Oui, parce qu'elle aura son chapitre après. Bah juste après, c'est les chapitres 5 et 6 qui sont dédiés à elle. Ouais, et ils sont très longs. Oui. Mais donc, chapitre 4, bah t'as deux flics qui débarquent à Haven, qui trouvent la ville un peu bizarre, qui trouvent que tout le monde est très détendu pour une ville où vient d'y avoir une morte. Ouais. qui s'étonne que l'explosion ait fait aussi peu de dégâts physiques. Ça, on aura la réponse dans les chapitres suivants. Oui, donc la fameuse explosion où Rousse est morte. Ouais. Et qui constate que Rousse est morte et qu'ils avaient l'air de tenir à Rousse. C'est super pour eux, sauf que nous, on sait pas qui c'est, effectivement. Oui. Donc on en a rien à foutre. Ouais. Et quand ils s'éloignent, ils sont arrêtés par un camion et ils voient une lumière verte bizarre. Voilà. Voilà. La ville commence Curse, à se défendre. C'est un esprit frappeur. Voilà, toc toc, etc. etc. Voilà. Donc Rousse. Ouais, qui a le droit à deux chapitres, hein. C'est une privilégiée la petite. Parce qu'elle est très elle est très importante au village. Ouais. Elle c'est qui tourne la pelouse, c'est elle qui distribue le courrier, elle est très importante au village. Ah bah c'est bien. Madame la mère. Hein. On l'aime bien au village. Ouais, c'est Madame la mère, elle a fait des trucs formidables pour le village. bah c'est aussi inintéressant que les autres chapitres, hein, fatalement. Ouais, c'est ça, le souci c'est qu'encore une fois on vient de la découvrir, donc tout ce qui concerne le deuil de son mari, le fait qu'elle veuille faire le meilleur pour la ville... On aurait pu s'y intéresser si elle était venue plus tôt et si ça avait été mélangé au reste. Là, j'ai encore une fois l'impression de repartir à zéro et d'avoir un nouveau incipit de roman, en fait. C'est ça. Elle a une collection de poupées. Bon, t'attends à avoir une petite scène un peu effrayante, finalement, King n'en fait rien. Ouais, pas grand-chose, en tout cas. C'est via les poupées que parleront les Tommyknockers à elle. Mais ça ira pas plus loin que ça. Oui, parce qu'en... En fait, on l'a pas dit, les Tommyknockers communiquent avec les gens via quelque chose qu'ils affectionnent énormément. Donc du coup, la statue au début, de Jésus pour l'autre, oui, au début pour l'autre. La statue de Jésus pour la première, elle, c'est la collection de poupées, et voilà. Ouais. Et à chaque fois, ils profitent aussi des frustrations des gens. Donc le fait que son mari la trompe pour la première, le fait qu'il n'arrive pas à faire de la magie grandiose pour le gamin. Du coup, c'est con parce qu'on a échappé... On aurait pu avoir une scène extraordinaire où les Tommyknockers communiquent avec Jim Gardner via une bouteille de 8-6, c'est quand même con. Ça aurait été merveilleux. Ça aurait été extraordinaire. Ouais. Hey Jim, une petite lampée. C'est ça qu'on voulait. Ou alors via la mascotte de... c'est quel whisky? Jack Daniels qui a une mascotte comme ça. Il y a un roman de Murakami où... Non, c'est... Ah putain, c'est quoi? C'est Johnny Walker. Oui, bah il y a un roman de Murakami où un des personnages, alors imaginaire mais important de l'intrigue, c'est la mascotte de Walker. D'accord, ok, rigolo. Voilà, c'est dans Kafka sur le rivage. Du coup, Ruth, elle fait quoi déjà dans la ville? Moi, je suis perdu là-dedans. Bah elle est mère en fait, Ruth. C'est la mère ou c'est une nana qui fait un peu tout? Non, elle a un statut officiel. Elle a un statut officiel quand même, et elle fait un peu tout. Et elle est plus ou moins mère, je crois. D'accord. Ce qui a l'air d'aller avec chef de la police et tout, mais ce qui est pas incohérent dans un petit village, à mon avis, pour le coup. On en parlera. Je trouve son traitement mieux maîtrisé dans la série télé, pour une fois. Il y a pas grand-chose qui est mieux dans la série télé, mais. Oui, de pas beaucoup, hein. Voilà. Bah, au moins, elle a une relation humaine avec un autre personnage. Avec Butch, tu veux dire? Ouais, voilà, qui est pas trop mal traité, mais ça, on y viendra après. Bah, qui est techniquement aussi dessiné dans le roman, c'est évoqué qu'elle est très très proche de Butch, sauf qu'ils concrétiseront jamais dans le roman. Oui, voilà, c'est ça, donc du coup, ça n'a que peu d'intérêt. Ouais. Ça fait partie des personnages qui résistent à l'influence des Tommyknockers et qui, pour le coup, arrivent à résister alors qu'a priori, elle a pas... comme les autres, un truc dans la tête qui bloque les pensées. Mm. Elle est suffisamment intègre, elle a suffisamment d'éthique pour résister, mais les Tommyknockers lui parlent quand même. Ce qui aurait pu en faire un personnage intéressant, du coup, encore une fois. Oui, voilà, mais bon, voilà. Vu qu'elle se fait péter dans une tour, bon bah, next, quoi. Ouais. Je te laisse raconter ta mort. Dans ce chapitre... avant d'en venir à sa mort dans le chapitre 6, c'est dans le chapitre 5 qu'on a l'incohérence temporelle qui m'a le plus marqué dans le roman. Donc les Tommyknockers se passent en 88, a priori. Ouais. Et on sait que le mari de Rousse, Ralph, est mort en 72. Ouais. Ça nous est dit à un moment. Or... À un moment, dans une scène qui parle des poupées que la plupart des enfants aiment bien, sauf certains, c'est précisé que jamais Illy Brown ne s'approcherait des poupées, Et c'est précisé dans une scène où elle en discute avec Ralph. Sauf que Eli Brown, il a 10 ans, donc il est né en 78. Ah oui, oui, donc 77 à la limite. Donc Ralph est mort normalement. Donc Ralph est mort normalement. Et en fait, c'est quand même une très très grosse incohérence. Moi, vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis arrêté en me disant « Mais c'est quoi, elle est en train d'avoir une projection de son mari ?» Et je suis allé faire des recherches sur Internet direct pour voir si l'autre l'avait relevé, parce que je comprenais pas l'effet que ça pouvait être. Je me disais « C'est forcément un effet. On peut pas avoir laissé une erreur aussi grosse. » Et en fait, si. C'est vraiment une incohérence d'écriture. Ouais. Okay. Il y en a d'autres sur les dates, mais des moins grosses qui sont à quelques semaines et qui du coup m'ont moins frappé pour le coup. Je l'ai pas relevé, tu vois, je devais tellement plus en avoir à la foutre. Ouais, moi je m'y intéressais encore à ce stade-là, faut croire. J'essaie de rester concentré, professionnel. Et donc, bah, comment va mourir Rose ? Bah, c'est poupée, elle va mettre des bombes dedans pour faire sauter le clocher de la ville, en fait, pour attirer l'attention de l'extérieur. Ce qui est pas une mauvaise idée. Alors, non, clairement pas. Manipulé par les Tommyknockers en le faisant, mais c'est pas une mauvaise idée. Et les Tommyknockers vont manipuler des chauves-souris pour la faire tomber et qu'elle se casse tous les membres et qu'elle meurt dans l'explosion. Super. Voilà. Ce qui nous amène sur le chapitre 7, qui se passe lui aussi en grande partie avant le chapitre 4. On vous avait dit que c'était le bordel, la temporalité de ce roman. Parce que c'est celui où l'ensemble de la ville, alors il s'appelle Beach Jernigan et Dick Allison, mais il va parler de l'ensemble de la ville, c'est celui où ils essaient de gérer le damage control, justement, pour faire en sorte que les gens qui viendront de l'extérieur ne voient pas les problèmes. Et il me semble que c'est vraiment à partir de ce passage-là où on commence à parler d'évolution, de transformation, de tout ça. Ouais, c'est ça. Où vraiment on nous fait comprendre que les gens qui sont contrôlés par les Tommyknockers en ont conscience... Et se plaignent pas plus que ça, quoi. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont vraiment contents d'évoluer parce que ça leur amène de nouvelles choses, ça soigne leur maladie, etc. Voilà. C'est vraiment à partir de ce moment-là où ce fait est montré, quoi. Ouais. Alors, leur technique pour que ça se voit pas de l'extérieur que le clocher a sauté, c'est d'en trouver des photos et d'en faire une recréation 3D par projection. Admettons. Oui, admettons. C'est trop long, mais admettons. Admettons. C'est de ça que s'est inspiré Jean-Luc Mélenchon hein, pour... pour son hologramme, voilà. Pour son hologramme, il est manipulé par les Tommyknockers. La droite a raison, la gauche est manipulée par des entités démoniaques. Démoniaques. Chapitre 8, c'est justement celui qui revient sur Papy avec Eve Hillman. Papy. Donc, qui est au chevet de son petit-fils, Hilly, et qu'ils accusent beaucoup aussi de la disparition de David, parce que c'est lui qui avait offert la boîte de magie à Hilly. Ce qui est quand même léger, quand même, pour porter des accusations sur quelqu'un, mais bon. Oui, certes, mais bon, ça, à la limite, je peux comprendre. Tu as ton petit-fils qui a disparu, tu t'accuses pour des raisons un peu absurdes, peut-être. Je pense que ça, il y a moyen. Oui. J'offrirai plus jamais de jeux de société à personne, parce que là, mais bon... Il y en a peut-être des moins dangereux que d'autres. De peur. Il voit toutes les actualités concernant Haven, notamment les deux policiers qui ont disparu, les deux dont on parlait auparavant. Ouais, comment ça se poser des questions du coup. La mort de la mère. De Ruth, donc il se pose des questions sur ce qui se passe là-bas. Parce que lui, du coup, étant loin de Haven, n'est pas touché par l'emprise des Tommyknockers. Ouais. Et du coup, il va décider d'aller en parler à un journaliste dont il a entendu dire du bien. Il se rend compte aussi de tous les trucs bizarres concernant le bois, ou quand il fouille... Ça, c'est pas mal, à la limite. Quand il fouille dans sa mémoire, il se rend compte que dans ses bois, il s'est toujours passé plein de trucs chelous. Oui, oui. Du coup, c'est con, parce que c'est quelque chose qui aurait dû nous être montré au tout premier chapitre de cette section-là, mais bon. Oui, c'est ça, ça aurait dû nous être évoqué beaucoup plus régulièrement, en tout cas, ouais. Bah, ça aurait dû nous être montré au début des contes et légendes de Haven, quoi. Ouais. Complètement con, pourquoi attendre autant de temps? Ou alors que ce soit mentionné par anecdote par plein de personnages au fur et à mesure et que nous-mêmes on se rende compte que, quand même, il y a beaucoup de personnages qui mentionnent qu'il s'est passé des trucs bizarres dans ces bois. Parce que là, chez moi, on en est quand même dans mon édition, on en est à vers la 500e page, donc la moitié du roman. Ouais, on est à la moitié là, ouais. Ouais, ouais. Et c'est que maintenant qu'on te dit, en fait, il s'est toujours passé des trucs bizarres là-bas. Bah, comment ça? Ouais, ouais. Fallait le dire, les gens. Donc, il essaie de parler au journaliste David Bright, donc qui vient de Dead Zone. Ouais. Et là, bah, moi, mon problème avec cette scène, qui marche peut-être quand on n'a pas lu Dead Zone, c'est que si on a lu Dead Zone, on sait que David Bright, normalement, il a vu tout ce qui entourait Johnny. Oui. Donc, il est censé être un peu ouvert aux trucs paranormaux, et c'est étonnant, sa réaction très sceptique. En dépit du fait qu'il voit un grand-père un peu ivre, il pourrait au moins s'y intéresser. Je comprends pas pourquoi clairement. Il est aussi fermé, en fait. Il fait une Scully. On appelle ça une Scully, dans le milieu. C'est ça, ça doit être ça, effectivement. C'est vraiment, c'est, tu vois des phénomènes paranormaux tous les jours de ta vie, mais tu dis, oh, bah, non, j'y crois pas. Il aurait été plus pertinent d'utiliser un autre personnage pas du tout apparu dans le roman, dans un autre roman, pour prendre ce rôle de sceptique. Ou alors... apparu dans cette zone, mais qui n'est pas en contact avec des choses bizarres. Oui. Enfin, bref. Effectivement, j'ai relevé, je me suis dit, bah oui, c'est pourquoi, comment, à quelle heure. Mais par contre, il va réussir à convaincre Butch, donc le policier qui était ami avec Rousse. Oui, le flic de Derry, du coup. Ouais, c'est ça. Et dans le roman aussi, il est flic à Derry, c'est pas que dans le... Oui, il est flic à Derry, je crois, ouais. Et donc, il va le convaincre de se rendre à Haven en profitant du jour de l'enterrement de Rousse, parce que ce sera un jour où il y aura plein d'inconnus, enfin de non-locaux dans la ville, et donc les habitants seront très occupés avec ça. Ouais, c'est le chapitre 9. C'est ça, les funérailles. Funérailles. C'est joli, ça. De quoi ? On l'a fait en même temps. Ouais. Tu es contrôlé par un Tommy Knockers, toi aussi, tu ne me l'as pas dit ? Ça doit être ça, on l'est tous les deux. C'est un chapitre où tout le monde est possédé, mais du coup, vu que tout le monde sait que Rousse est important, tout le monde fait semblant d'aller aux funérailles, c'est quand même incroyable. Bah, c'est parce qu'il y aura beaucoup de gens extérieurs à la ville, donc ils font tous l'effort pour pas que les gens voient un truc trop bizarre, je pense. Ouais, mais vu que tout le monde voit des trucs trop bizarres, en fait, ça sert à rien. Bon, les gens extérieurs à la ville, pas trop, normalement. Ils sont tous malades, mais ils voient rien de particulièrement étrange. J'aime bien le « ils sont tous malades ». Justement, c'est là qu'on a pour la première fois l'idée des masques à oxygène pour rentrer dans la ville. Oui. Eve en a pris un pour Butch. C'est là aussi où on voit que la possession des Tommyknockers a des effets négatifs sur le corps, genre la perte des dents. Je crois que c'est à ce moment-là que ça arrive. Ça a déjà été pas mal évoqué auparavant, mais c'est là que ça prend des proportions vraiment énormes. Oui, voilà, vraiment de la grosse ampleur. Ouais. On voit que ça n'apporte pas que du positif. Ouais. Ce chapitre est long, hein. Oui, très très long, parce que bah, il y a la confrontation. Après, Butch et Eve Hillman vont trouver la soucoupe. Mm. Et ils vont être abordés par des Tommyknockers les plus évolués, en fait, des habitants de la ville... qui sont allés dans le hangar de Bobby, parce qu'on sait qu'il se passe des choses dans le hangar de Bobby. Il se passe des choses dans le hangar, attention. On revoit rapidement Gardener, ivre-mort sur le porche, qui les voit passer. Mais, ah oui, c'est vrai. C'est au chapitre suivant qu'on le reverra vraiment. C'est vrai que c'est vrai qu'on le voit plus depuis un moment, lui, ce con. Ouais. Ouais. Et donc, la confrontation, tu te rappelles à peu près comment elle tourne ? Non. Bah, il y a un des habitants de la ville qui se fait tuer d'une balle. Bobby prend une balle et est gravement blessé. Eve est capturée. On saura un peu plus tard ce qu'il est devenu. Et Butch est renvoyé chez lui et il se suicide au début du chapitre suivant. Oui, Butch, je me souviens. C'est à partir de ce moment-là où j'ai arrêté la lecture du format physique, où je suis passé entièrement sur du livre audio et où j'ai mis le livre audio en vitesse 1,50. Voilà. Moi, ça va que je lis vite. Voilà. Ça va que je lis vite, effectivement. Oui, bah oui. Moi, malheureusement, j'ai un travail et attention, je préfère mes journées de travail plutôt que de lire cette merde, c'est vous dire. Bah oui, mais ça, c'est parce que t'es manager maintenant. T'as une position de prestige, tu peux attaquer les autres. Voilà, hein. tu fais plus partie du vrai prolétariat. Je deviens moi-même un Tommyknockers. Tommyknockers du capitalisme. Ouais, c'est triste. Tu sais, les managers aussi, il y en a des bons. Oui. Cette phrase démoniaque. Oui, on a dit ça, oui. J'ai déjà entendu parler de cette théorie, ouais. Allez, chapitre 10. où on retrouve Gardener. Chapitre 10. C'est traduit comment chez toi, le chapitre 10? Parce qu'on est d'accord, ça ne veut rien dire. Alors, attends, je te retrouve ça. Le livre des jours, le village, fin. C'est qu'il manque une virgule, je pense. Oui, voilà, on est d'accord, merci. Qu'est-ce qui passe déjà dans ce... Bah, il y a déjà c'est celui qui est, c'est celui qui est fracturé en journée. Oui, plus ou moins. Il y a des indications de journée, mais elles sont parfois assez flottantes. Oui, oui. C'est celui qui va pas mal suivre Gardener, qui creuse toujours plus avec différentes personnes, parce que du coup, Bobby est blessé et on saura plus tard où elle a été amenée. Mais on est obligé de lui affilier d'autres personnes pour travailler avec lui. Et on se rend compte que les gens qui viennent travailler pour lui ne tiennent qu'un jour ou deux. Ouais. C'est le chapitre où vraiment Gardener se rend compte que oh bah c'est pas très bien ce qui se passe. Bah oui, mon con. Mais encore une fois, il va pas vraiment agir parce que c'est mentionné qu'il est perpétuellement ivre, en fait. Oui. Il boit énormément. Donc il va pas particulièrement agir, il va se mettre à dos à peu près tous les gens qui viennent travailler avec lui parce qu'ils n'arrivent pas à lire dans sa tête et ça les énerve. À cause de sa plaque. À cause de sa plaque, ouais. Que du coup, personne n'arrive à lire dans sa tête et bah, les Tommy Dockers n'ont pas d'emprise sur lui à cause de sa plaque. Ouais, même si lui-même commence à sentir au cours de ce chapitre que c'est peut-être quelque chose qui va changer, qu'il a été plus résistant que les autres mais que ça va pas durer à vie. Oui, c'est vrai que ça rencontre, ouais. C'est là, alors ça avait déjà été mentionné par les poupées de Rose qu'il avait écrit sur le tableau, mais c'est là qu'il y a un personnage qui en fait disparaître un autre a priori sur Altair 4 aussi, et que donc on a confirmation que David est toujours sur Altair 4 et qu'il est vivant. Oui, oui. C'est pendant une réunion, c'est ça il me semble, ils font une grande réunion, une grande tablée où ils parlent des avancées, de ce qu'ils vont faire. Ouais, ils font une réunion pour en parler, ouais. Enfin, ils en parlent même pas d'ailleurs, parce que c'est que c'est mentionné que c'est que dans leur tête. Oui. Donc, ils vont constater ça et ils vont décider de ne rien faire parce que la réapparition du gamin mystérieuse attirait pour le coup l'attention sur la ville. Ce qui pour le coup est certainement vrai. De leur point de vue, c'est à peu près cohérent. Oui. On retrouve David Bright avec un autre journaliste plus jeune, John Leandro, qu'on retrouvera dans la troisième partie. Et Bright se fout de la gueule de Leandro qui veut enquêter sur Haven. Encore une fois, je ne comprends pas du tout la réaction de David Bright. C'est vrai que c'est vraiment une réaction disproportionnée et étrange si tu prends en compte ce qu'il a vécu dans un autre roman, quoi. C'est ça, mais oui, en fait, ta comparaison avec Scully est bonne, mais ça fait vraiment cliché de personnages qui ont repris Scully dans différents trucs. Genre dans Paranormal Activity, le mec qui croit aux démons. Mais pour lui, ça va, les démons, ils sont pas méchants, c'est pas grave si on est possédé. Oui, oui. C'est à peu près la même chose, j'ai l'impression. Oui, c'est totalement débile, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Il y a un nouvel incident avec le pilote d'avion qui passe au-dessus de la ville, donc ça fait une nouvelle personne qui disparaît au-dessus de Haven. Ouais. Que ça s'accumule, ça a de plus en plus attiré l'attention sur la ville, tout de même. Ça aussi, c'est un truc, c'est tellement mal exploité, parce qu'en fait... Avec la ville de Haven, il y aurait tellement eu moyen de faire vraiment des parallèles avec toutes ces zones étranges qu'il y a sur Terre, genre le triangle des Bermudes, tout ça, parce qu'il y en a d'autres, des endroits sur Terre reconnus comme étant bizarres. Ouais, pour des histoires où on sait pas trop pourquoi. Il y a des disparitions dans le secteur, voilà. King aurait pu jouer sur ça, aurait pu vraiment ficeler une intrigue autour, mais encore une fois, il n'en fait rien, quoi, c'est tellement malheureux. Ouais, bah oui, vu qu'après, les événements vont pas mal s'accélérer. La troisième partie... Enfin, la temporalité est floue, mais je crois que la troisième partie se passe assez vite, techniquement. Bah oui, c'est quasiment quelques jours, seulement. Oui, je crois, en tout cas. Gard va donc creuser avec différentes personnes, et il va y avoir des rebondissements autour de l'exploration, enfin, du déterrage de la navette, et c'est pas très intéressant. Oui. Il y a de l'eau, mais c'est pas très intéressant. Voilà, c'est... Encore une fois, on dirait qu'il y aurait de quoi faire un roman intéressant, ou une nouvelle intéressante en tout cas, sur des fouilles archéologiques, un peu science-fiction, mais là, c'est à la fois rien à foutre là, et en même temps, c'est pas assez développé pour être bien. Donc, voilà, c'est ça. C'est pas du tout passionnant. Et pareil, en fait, Bobby va revenir dans ce chapitre-là. Alors, ok, le chapitre est long, mais du coup, au final, Bobby a disparu même pas un chapitre entier. Mm. Ce qui empêche de ressentir la force de sa disparition et l'angoisse des personnages. Là, oui, Bobby a disparu quelques pages, quoi, mais dans un gros roman, 40 pages, c'est pas si significatif que ça. Bah non, oui, c'est quand même que dalle, carrément. Ouais. Donc, c'est malmené. Et bah, comme nous. On arrive. Comme nous à la lecture, tiens. On a la dernière fois que des personnages vont acheter des piles, et du coup, là, ça nous apprend quand même une information intéressante que l'air de Haven est dangereux pour les gens extérieurs à la ville, mais l'inverse est vrai aussi. Les gens extérieurs. Ouais, mais les gens du coup de Haven ne peuvent plus aller à l'extérieur parce qu'ils sont malades extrêmement rapidement. On a les deux adolescents où il y en a un qui meurt et l'autre qui plonge dans le coma et qui devient aveugle pour être sorti acheter des piles. Oui, ça pareil, oui, c'est intéressant, mais vu qu'on n'en fait rien. Et la partie se termine avec Gard qui retrouve des poils de chien sur une robe de Bobby et qui donc comprend que Peter n'est pas mort. Et donc le chapitre nous a dit qu'il avait réussi à se retenir de boire depuis le retour de Bobby, sauf que c'est 10 pages plus tôt, donc encore une fois, pour ressentir l'effet de la scène, bah c'est nul quoi. Bah c'est ça. On n'a pas vraiment eu une impression de période qui aurait pu être un mieux potentiel pour Gardener. On apprend qu'il avait arrêté de boire deux jours, sauf qu'il recommence tout de suite. Ça peut coller à ce que fait un alcoolique, hein, sauf que en termes de force dramatique, ça ne marche pas. Mais voilà, on est arrivé au bout de la deuxième partie. Qui finalement n'aura pas servi à grand chose. Bah c'est ça. C'est ça. Parce que la majeure partie des personnages qui nous ont été présentés soit sont morts, soit mourront très rapidement sans être très importants dans la suite. Voilà. Donc c'est quand même une partie qui représente 300 pages. Même 300 ouais, c'est pages un peu que tu fous à la poubelle. Ouais. C'est quand même malheureux. Mmh. Ah, c'était un signe ça, tiens. Et qui nous a effectivement... De quoi ? Dans mon édition, la deuxième partie se termine sur la page 666. Voilà, ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est révélateur. Quel est le truc, Bobby ? Non, il n'y a aucun truc. C'est tout simple. Ça m'est venu comme ça. J'ai entendu une voix qui m'a dit que j'étais capable d'arranger le chauffe-eau. Et ensuite, ça s'est fait tout seul. Une minute. Si je comprends bien, tu es en train de me dire que... cette chose t'a tout dicté. Oui. Au cours du travail, elle m'envoyait des espèces de messages... Ça t'a changé en Einstein. Oh, ben non, pas vraiment en Einstein, parce que lui, il savait ce qu'il faisait. Moi, j'y connais rien. Enfin, je veux dire que je n'ai aucune idée de la façon dont un chauffe-eau fonctionne. Et pourtant, toute cette opération m'a paru simple comme bonjour. Je ne sais pas ce que c'est que cette chose. Je sais seulement qu'on doit absolument la déterrer. Crois-moi, Gard, il y a là quelque chose de l'ordre du miracle. Et donc on attaque la troisième partie, et si on espérait un mieux, ce n'est pas le cas avec le chapitre Sœurette. Donc sur la sœur de catastrophique. Bobby. Ouais. Qui est catastrophique. Donc déjà, on n'a rien à foutre. Déjà oui, qui introduit un personnage sorti du chapeau, vraiment. On savait qu'elle avait une sœur, elle était évoquée dans la première partie, mais on l'avait oubliée entre temps. Oui, parce que ça a été évoqué vraiment au détour d'une page. Hein. Ouais. Sans vraiment plus d'importance. Et, pour couronner le tout, c'est un personnage tellement détestable, que comment tu fais pour avoir envie de savoir ce qui lui arrive, en fait, c'est pas possible. Bah, c'est ça, je comprends pas la raison d'être de ce personnage qui tombe dans pas mal de biais, en plus, bien bien sexiste, autour du fait qu'elle est frigide, etc., etc. C'est vraiment un personnage catastrophique, la sœur. Ouais. Vraiment, et surtout pour ce qui lui arrive. Oui, parce que elle disparaît dès la fin du chapitre, en fait. En fait, elle est obsédée par l'idée de faire revenir Bobby. Elle veut pouvoir contrôler absolument toute la famille. Et Bobby lui échappe et ça lui déplaît, donc elle va la rechercher à Haven après la mort de leur père. Voilà. Bobby n'est pas venu à l'enterrement. Sauf que quand elle arrive, elle est tout de suite dominée par la Bobby transformée, la nouvelle Bobby, qui, on saura un peu plus tard ce qu'elle va devenir. Voilà. Donc oui, c'est un personnage qui ne sert à rien d'autre qu'à nous avoir introduit un personnage profondément détestable. C'est ça. Mais les personnages comme ça, normalement, détestables as fuck, tu les fais durer pour ensuite procurer la satisfaction au lecteur de les voir disparaître. Ouais, encore détestables à ce point, tu centres pas des chapitres entiers sur eux, quoi. Tu les mets en personnages secondaires qui sont victimes, et tu vois les personnages principaux qui en sont victimes, mais en personnages principaux, c'est juste pas agréable, quoi. Donc voilà, c'est pas intéressant. Le chapitre 2, c'est juste Gardener qui constate que le véhicule d'Anne n'a pas été enterré. Enfin, a été enterré, au contraire, et donc elle est pas repartie, qu'on lui a menti. Il est quand même pas vif, hein. Je sais bien qu'il est bourré, mais il est quand même pas vif. Donc Anne, la sœur. Hein. Ouais, c'est ça. J'aime pas si on a mentionné son prénom, tiens. Peut-être pas, parce qu'elle est quasiment jamais appelée par son prénom, en fait. Et le chapitre suivant, c'est celui où ils arrivent à ouvrir la trappe, enfin à déterrer la trappe de la soucoupe et où donc ils vont pouvoir entrer. Oui, il y a un truc, il y a vraiment un truc qui me perturbe dans ce chapitre 2 avec Gardner, c'est qu'il se questionne à la fin de la partie précédente sur qu'est-ce qui est arrivé à Peter, est-ce que Peter est enfermé dans le hangar, et finalement, on retrouve Gardner et il s'en bat les couilles. Oui, il a rien fait. Il ne fait rien, et il ira bien plus tard. Tu fais, mais... C'est vraiment les problèmes de la temporalité et de la passivité de Gardener constamment bourré. C'est qu'au bout d'un an, ça fait un héros qui littéralement n'agit jamais. C'est affolant. Avant les toutes dernières pages. Donc, oui. Je pense qu'encore une fois, ça aurait pu être un truc intéressant à développer, mais dans un roman où il y avait d'autres points d'attache et des personnages attachants. Là, comme ils sont tous détestables, on est censé se raccrocher à Gardener en priorité et c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc, la trappe. Ils essayent d'ouvrir le vaisseau. Bah, ils essayent pas encore. Là, ils le voient et ils disent on ira l'ouvrir demain, je crois. Ah oui. Justement, après, il y a le chapitre le hangar où Gardener va entrer dans le hangar. Parce que tout le monde s'en bat les couilles de tellement tout. Ils disent ah, ouais. Bah, on a trouvé la porte d'entrée. Bon, on ira demain. Ouais, c'est ça. Alors que bon, c'est pas, ah, comme, pas, si ça faisait... c'est pas comme si ça faisait 710 pages qu'on essayait de trouver l'entrée, quoi. Putain. Bref. Le hangar, on disait. Ben, du coup, c'est... on trouve dans le hangar, il y a des espèces de machines qui fonctionnent grâce à de l'énergie humaine. Ouais, qui pompent l'énergie des gens qui sont dans des espèces de cuves. Enfin, humaine ou animale, d'ailleurs, parce qu'il y a trois cuves. Il y en a une pour la sœur, une pour Peter et une pour Evilman. Voilà. Donc, le grand-père. Donc, le grand-père. Il va, c'est là que Gardener trouve aussi un revolver dans une des poches. C'était le revolver de Evilman. Ouais. Qui lui resservira par la suite. Mais globalement, encore une fois, je trouve que le chapitre... il trouve la machine aussi, l'espèce d'ordinateur. Mais encore une fois, le chapitre ne fonctionne pas remarquablement bien. Mis à part quand Evilman demande à Gardener d'aider David, justement. Oui. Mais bon, David, on l'avait un peu oublié, en réalité. De le faire revenir d'Altaïr 4. Bah oui, forcément, on l'a oublié, c'était il y a 400-500 pages. Ouais. Encore une fois, hein, c'est le problème de ce roman. Ouais, il avait bien été cherché à travers la forêt, il avait été réévoqué régulièrement, mais là, ça faisait quand même un bon moment. Oui, hein. C'est vrai, c'est pas faux. Et puis surtout, le grand-père et Illy, on les avait pas du tout revus, et les parents, ils sont en train de se transformer en Tommyknockers, donc eux, ils en ont rien à foutre de leur enfant, j'espère. Non, par contre, ce qu'on a la confirmation, c'est qu'il est bien sûr Altaïr 4, quoi. Oui. Et du coup, là, vraiment, tu te rends compte que, bah, qu'est-ce que c'est que ce potentiel gâché? Ouais. King veut écrire un roman avec des bases de science-fiction, et à aucun moment, il fait de la science-fiction. C'est quand même incroyable. Ouais, ouais, alors qu'effectivement, il y aurait eu moyen de faire un truc intéressant, un peu à la Seule sur Mars, mais pour les enfants. Oui, c'est pas du tout exploité, effectivement. Et le chapitre se termine sur la scène interminable où il fait tomber la clé pour la raccrocher alors qu'il y a les gens qui arrivent, etc., etc. Ah oui, c'est vrai. Grand moment de tension. Ouais. Ah, mais après, on arrive sur le chapitre. Ouais, le scoop. C'est là où tu me disais que t'en étais hier dans ton écoute, c'est ça? Ouais, tu m'as dit que ça servait à rien. Du coup, j'en avais marre, je suis passé en x2. Ah ouais, d'accord. et puis après, bah, j'ai carrément passé le chapitre, parce que vraiment, j'en avais marre. Ouais, là, il essaie une première fois de se rendre à Haven, mais il doit faire demi-tour à cause de l'air empoisonné. Alors, c'est Leandro, là, qui essaie de se rendre à Haven. Oui, c'est un autre personnage, après, attention. C'est l'autre journaliste, c'est celui dont se moquait David Bright avant, c'est John Leandro. Ça nous permet de nous introduire un personnage de mère dominatrice et castratrice qui lui aussi est très cliché, dont lui aussi non plus on ne comprend pas ce qu'il fout là. Oui, c'est ça. Mais donc voilà, Leandro est obligé de faire demi-tour une première fois. Chapitre 6, on découvre l'intérieur du vaisseau des Dominokers. Avec Garde qui fait semblant d'être possédé. Qui fait semblant d'écouter, effectivement, d'obéir, ouais. Voilà, précisons-le, il redevient un personnage principal, il redevient un héros. Le problème, c'est qu'il le redevient tellement sur un claquement de doigts que t'y crois pas. Ouais. C'est vraiment, c'est sorti du fin fond du trou du cul d'un Dominoker, c'est pas possible. Mais ouais, bah il découvre le vaisseau, et même ça, ce serait peut-être bien dans un bon roman, c'est peut-être un des chapitres sauvables en réalité, mais j'en avais tellement plus rien à faire à ce stade que... Oui, parce que pour moi, ça n'a pas marché. À la limite, il y a un début d'ambiance avec les cadavres de tous les Dominokers répartis dans le vaisseau. Garde comprend qu'en fait, ils sont foutus sur la gueule et que ça aurait peut-être conduit au crash. Donc il y a ce discours aussi du regarde, les trucs que tu prenais pour des divinités, en fait, ils sont aussi faibles mentalement que nous, humains. Parce qu'en fait, ce qui les a conduits sur Terre, c'est juste qu'ils se sont embrouillés. Ils sont tapés dessus et du coup ils se sont crachés. Ça encore, la réflexion est intéressante. C'est juste que avant ça, tu t'es bouffé tellement de pages inutiles que t'en peux plus, quoi. Ouais. Mais le fin fond du discours est intéressant. Oui, je suis d'accord. Et participe aussi à tout le discours sur la guerre et sur le rapport entre les pays et le rapport à la technologie qui traverse le roman. Oui. On enchaîne sur le scoop suite, on retrouve John Leandro qui réussit à rentrer dans la ville et qui se fait tuer par un distributeur de coca. Est-ce que je viens de rajouter quelque chose? Ah, on en reparlera parce que la scène est reprise dans le téléfilm. Oui, mais elle est bien reprise en plus, en plus le budget pour la faire, elle rend elle est encore plus ridicule en film. C'est incroyable. C'est le scoop suite. Ouais. Vraiment, t'introduire des personnages de merde pour les tuer de cette manière, mais bon Dieu quoi. On n'est pas dans Maximum Overdrive, quoi. Au bout d'un moment. Où il y a aussi quelqu'un qui se fait tuer, King d'ailleurs. Non, King se fait insulter, c'est un autre personnage qui se fait tuer au distributeur de canettes, qui balance les canettes. Sauf que dans Maximum Overdrive, il y a une raison, quoi. Oui, faut avoir un concept large de la raison, quand même. Non, mais là, pourquoi le distributeur le tue? Parce qu'il est contrôlé par l'agente de sécurité de la ville et qu'elle tue tous ceux qui... Ils s'approchent à ce stade-là parce qu'ils sont près d'être transformés et qu'il faut plus personne qui entre en ville. Mais c'est des machines, le contrôle mental sur les machines, c'était pas vraiment au cœur du roman jusque-là. C'est pour ça que je me suis dit, mais d'où ça sort ? On peut dire que c'est un contrôle technologique. Si, techniquement, il y avait déjà la machine à écrire qui était contrôlée mentalement. Oui, mais parce qu'il y avait des modifications techniques à porter dessus. Bah là, je crois que c'est le cas aussi du distributeur. Ah, je me souviens même plus. Dans mon souvenir, si, il est modifié, en fait, c'est juste qu'ils ont transformé l'intégralité de la ville en armes. Ce mec est en train de me faire croire qu'il a des souvenirs de lecture sur des Dominokers, quoi. J'ai pris des notes, c'est ça, mes souvenirs. Il est vraiment possédé. Non, j'ai pris des notes. Parce que je savais que ce serait trop compliqué, sinon. Ouais, c'est pour ça que je suis capable d'en parler un minimum précisément, hein, on va pas se mentir. Garde et Bobby. Bah, c'est la confrontation entre les deux où elle lui demande d'avaler du Valium, je crois, ou du Xanax, enfin, vous comprenez. Du Valium. Et où elle lui laisse... où il fait encore semblant rejoindre, de comprendre qu'il doit mourir, qu'il ne peut plus continuer. Et au dernier moment, il va lui tirer dessus, mais le chapitre s'arrête sur le revolver qui ne marche pas. Après, il a essayé, pour le coup, d'atteindre ses sentiments en lui parlant de Peter, en lui demandant comment elle a osé faire ça à Peter. Oui, c'est pas trop mal encore. Peter, etc. Tu vois, c'est à la limite ce chapitre où vraiment il se rend compte que Bobby est perdu pour lui, qu'elle est totalement avalée par les Dominokers. Il est à peu près intéressant. Oui, je suis d'accord. Il y a aussi, pour le coup, cette vraie bonne idée dans ce chapitre-là. deux gardeneurs qui signalent que plutôt que d'envoyer des jeunes mourir à aller chercher des piles, pourquoi vous n'avez pas détourné le courant électrique ? Oui. Et effectivement, Bobby qui répond qu'ils n'y ont pas pensé, ça montre bien que, ouais, c'est des singes savants et que malgré toute leur méga technologie, en fait, ils sont toujours capables de faire des énormes conneries ultra basiques. Ce qui, encore une fois, peut renvoyer à pas mal de trucs de scientifiques qui ont pu faire des erreurs très basiques, parfois sans conséquences et parfois dangereuses, au fil de recherche qui sont tellement avancées en fait qu'elles mènent à oublier des trucs de base. Oui, tout à fait. Donc le chapitre 8, à la limite, on peut le sauver. Oui, pour quelques petits passages. Et on arrive donc, en fait, les chapitres 9 et 10 se passent littéralement l'un en même temps que l'autre, c'est juste que le 9 s'est centré sur l'extérieur de la ville, donc c'est le scoop suite et fin qui va retrouver David Bright cette fois-ci, et le 10 c'est Toc Toc à la porte, les Tommy Knockers, les esprits frappeurs qui lui se concentrent sur les habitants de la ville, les gardeneurs. Donc le 9, bah, on suit plein de personnages qui voient que c'est l'Armageddon à Haven. Haven qui voit mais qu'ils ne peuvent bizarres. Pas s'approcher. Il y a la garde nationale qui débarque. Ouais. Qui entoure la ville. C'est ça. Bah, là pour le coup, c'est les fameux flics de Dallas, comme les appellent Bobby et Guard, qui sont prévenus et qui vont débarquer. Il n'y a plus moyen d'être discret. Oui, voilà. Il y a cette idée intéressante de, je crois que c'est Bright qui se rend compte que en réalité personne n'a eu de nouvelles de leurs proches de Haven depuis plusieurs semaines. Mm. Ça, pareil, ça aurait eu mérite à être plus développé, plus progressivement. Bah oui, tout au long du roman, quoi. Et il y a un personnage de mec représentant un commerce fasciné par le feu qui nous est introduit dans le chapitre et qui meurt dans le chapitre. Voilà. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je me dis, mais pourquoi ? Voilà. Voilà. Et là, on toque à la porte, c'est les Tommy Knockers, les esprits frappeurs. Voilà. Si ce podcast vous paraît long, nous, on s'en est tapé dans mon édition 600 pages, mais c'est écrit petit et c'est en grand format. Hein. Sinon, c'est plus de 900 en poche. Hein. 957, pour être exact. Ouais. En livre audio, c'est 25 heures, il me semble. Ah, j'aurais dit plus, tu vois. Ah, bah attends, peut-être que je dis de la merde. Attends, je vais vérifier. Non, peut-être. Je vais vérifier pendant que tu commences à nous parler du chapitre 10. C'était peut-être 25 heures en accéléré. J'ai des films qui durent 40 minutes, moi, dans ces conditions-là. Donc, le chapitre 10, Gardener arrive à tuer Bobby, mais lui-même se prend une balle dans la jambe. Il retourne au hangar. Il réussit à le programmer pour... croit-il faire revenir David Bright, on ne sait pas où, mais on découvrira plus tard que c'est donc dans sa chambre d'hôpital, mais on ne sait pas si ça a réussi. Ouais. Et tous les habitants de la ville possédée se dirigent vers lui pour le tuer, mais il est aidé principalement par les esprits de Eve et de la sœur Anne, qui vont déclencher des armes contre les habitants de la ville pendant que Guard, lui, se rend au vaisseau. C'est typiquement le chapitre de fin de roman apocalyptique à la ça. Ou à la, tu l'avais évoqué, à la Bazar. Ouais, le souci c'est que dans ça et dans Bazar, on est attaché au personnage quand ça arrive. Et que c'est bien écrit. Et que c'est mieux écrit et mieux mené, oui. Voilà. Mais c'est typiquement ça, quoi. C'est les événements qui se passent aux quatre coins de la ville, c'est apocalyptique, tout le monde crève, ouais. Ça explose de partout. Vraiment mieux écrit et avec de meilleurs personnages, ça aurait pu être bien, hein. C'est effectivement les trois gros romans où il détruit sa ville, ça, Bazar et donc les Tommy Knockers. Parce que même l'idée de rejoindre la navette et de s'envoler avec la navette pour la faire s'autodétruire dans l'espace, c'est une bonne idée pour éviter que les puissances gouvernementales tombent dessus et exploitent les technologies. Mais en fait, c'est une bonne idée, mais vu que le personnage de Guard est tellement aux fraises pendant tout le roman... Bah, tout d'un coup, le fait qu'il se transforme en héros ultime, mais ça n'a aucun sens, quoi. Il aurait fallu un truc beaucoup plus progressif, ouais. Garder Guard aussi profondément plongé dans l'alcoolisme pendant aussi longtemps, c'est vrai que ça ne marche pas. En fait, ça reste à part que ça continue l'idée que les Tommy Knockers exploitent les faiblesses, quoi. Ils maintiennent Guard bourré pour ça aurait été même plus logique que finalement Bobby reprenne conscience, quoi, et du coup se fasse péter avec le vaisseau. Oui. Ça aurait été logique. Ça a même été logique finalement que le chien sorte de sa cuve et fasse péter le vaisseau. J'allais la faire. Mais donc voilà, et donc on en arrive à l'épilogue. Oui, si on peut lire un truc bien de l'épilogue, les deux chansons qui sont citées en exergue, elles sont cool. C'est Hammer to Fall de Queen et Undercover des Rolling Stones. Oui, voilà. Voilà. Et on apprend ce qui s'est passé par la suite. Donc il y a plein de gens qui sont morts dans l'incendie, il y a plein de gens qui sont morts à cause de l'envol de la navette et du fait que l'air de Haven se dissipe et redevient de l'air normal. Et les derniers habitants transformés meurent suite aux expérimentations que The Shop fait sur eux. Ouais. Et les deux frères se retrouvent. Ouais. Et ce qui ne rend pas cette fin entièrement heureuse, c'est qu'il y a une arme qui est retrouvée par un agent du gouvernement. Donc ça peut laisser penser qu'ils vont pouvoir faire des trucs quand même avec la science Tommy Knocker en travaillant dessus. Ça peut laisser penser que peut-être que King avait envisagé d'écrire une suite un jour. Je ne pense pas. Est-ce que ça serait pas ça finalement le plus grand moment de terreur de ce roman? Et là, il écrit une suite et elle est géniale. Imagine. Mais donc effectivement, les deux frères se retrouvent et la dernière scène est presque un peu touchante. On aurait bien aimé les voir plus en fait, ces deux frères, enfants. On aurait bien aimé que ce soit des personnages importants, mais c'est pas le cas. On aurait bien aimé que le roman soit bien en fait, tout court. Oui, c'est ça. Et en fait, on l'a signalé au fur et à mesure, il y a masse de pistes qui auraient pu être intéressantes dans ce roman, mais qui se gênent les unes les autres, et qui font un roman chiant, et qui sont noyés au milieu de plein de trucs objectivement chiants aussi. C'est ça. Mais du coup, oui, on peut même pas... il est même moins bon que Dreamcatcher, qui est au moins fun avec ses idées débiles, et qui est quand même plus court en plus. Hein. Et surtout, attention, Dreamcatcher est mieux écrit. Oui, et les personnages sont moins antipathiques aussi dans Dreamcatcher. Oui, il y a vraiment des personnages sympathiques dans Dreamcatcher. Ouais. Donc, les Tommy Knockers. Mais finalement, même l'année du loup-garou... ça fait 120 pages, quoi. Voilà, même loup-garou, ça aide. Mais même l'année du loup-garou, c'est plus fun, en fait. Oui. Il y a même un loup-garou qui tabasse quelqu'un avec une batte de baseball. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Ouais. Donc voilà, et ben on va passer à l'adaptation. Yes. Parce qu'on a déjà bien assez parlé du roman. Ça commence tout doucement. Oh ! J'ai entendu une voix. Cette chose t'a tout dicté. Gardien, il y a là quelque chose de l'ordre du miracle. Quand vous réalisez ce qui se passe... Pourquoi allez-vous creuser comme ça dans votre ferme? Il est déjà trop tard. Mais enfin, Bobby, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas être transmué. Transmué en quoi? Pense qu'à ça, t'es drogué, obsédé. C'est ce qui va changer le monde. Tu es en train de te détruire, c'est ça qui m'effraie. Tu n'as qu'à garder confiance. Avez-vous entendu parler de Tommy Knock? Bobby... Il est différent de nous. Là... Nuit dernière et l'autre nuit, les Tommy Knocker ont frappé à mon nom. Je veux sortir de chez moi. Je n'ose pas. Des créatures sorties de l'imagination de Stephen King. Les Tommy Knocker. Fermez bien votre porte. Ils arrivent. Donc, l'adaptation des Tommy Knockers est scénarisée par Lawrence D. Cohen, qui avait travaillé des années plus tôt sur Carrie, mais 3 ans plus tôt aussi sur Ça, il est revenu, qui est pas un chef-d'œuvre. Au niveau du scénario, on l'avait déjà évoqué, dans notre podcast consacré à ça, donc il est capable du meilleur comme du pire, on va dire. Un article de Fangoria publié à l'époque, un peu avant la sortie de l'adaptation, et qui dure assez longtemps, j'ai pu avoir pas mal d'informations dedans, évoque l'avis positif de King sur le scénario de Cohen, mais à mon avis c'est juste King qui disait oui c'est bien à l'époque. Un scénario qui s'éloigne du roman sur pas mal d'aspects. Le seul qui est évoqué clairement dans l'article, c'est le choix d'une fin plus positive. Effectivement, la fin est beaucoup plus heureuse dans le téléfilm que dans le roman. Mais on peut évoquer aussi, comme ça ce sera dit, que l'adaptation fait le choix d'une présentation purement chronologique, et donc tous les personnages sont introduits assez rapidement, en contraste avec le roman dont toute la première partie est centrée sur Bob et Garde. L'alcoolisme de Gardener est largement atténué dans l'adaptation. Il y a des personnages qui sont condensés en un seul perso, notamment les parents des frères Brown deviennent aussi les tenanciers du bar-restaurant de la ville. À part Butch, l'intégralité des personnages extérieurs à la ville sont supprimés, donc on verra moins l'idée que la ville se défend contre les interventions extérieures. La mort de Rousse n'implique plus l'explosion de la tour de la ville, et l'ordre de certains événements sont déplacés. La disparition de Peter, la dégradation très marquée de l'état de santé de Bobby, par exemple, arrive bien après que Gardener ne revienne, alors que normalement c'est les premières choses qu'il observe en arrivant à Haven. Voici pour les gros changements, ce qui n'empêche que le suivi global de l'intrigue est globalement similaire, en évidemment beaucoup plus condensé, vu que c'est un téléfilm de 3 heures. Il est tourné à Puhoi et Auckland, en Nouvelle-Zélande, avec un budget de 12 millions, donc un budget raisonnable pour de la télévision, même très raisonnable à l'époque. Mm-hmm. Le producteur Frank Königsberg explique à Fangoria le choix de tourner en Nouvelle-Zélande. La raison principale, donc je cite, « La raison principale est qu'il y a des endroits en Nouvelle-Zélande qui ressemblent à la Nouvelle-Angleterre. On ne pouvait pas commencer le tournage avant octobre, et il fallait qu'on ait terminé d'ici mai. » Donc il fallait tourner cet automne. Comme l'intrigue se déroule en été, le Maine n'était pas une option envisageable. Le premier réalisateur qui est choisi pour ce téléfilm, c'est Lewis Teague, donc réalisateur de Cujo et de Katsai. On n'a pas encore fait Katsai, on pense plutôt pas mal de bien de Cujo. Oui, effectivement. Même beaucoup de bien. Il abandonne après... Bon, globalement, je pense du bien de pas mal de films de Lewis Teague. Ouais, effectivement, de ce qu'on en connaît, ouais. Mais il abandonne après une semaine, voire seulement 2 jours de tournage, selon les sources. La raison évoquée par la presse à l'époque et par l'agent de Teague, c'était qu'il ne travaillait pas assez vite pour du format télé. Mais Königsberg explique à Fangoria que la véritable raison, ce sera un différent artistique, la vision de Teague n'étant pas réalisable. Alors on ne sait pas si c'est avec le budget disponible ou pour être diffusé à la télévision. En tout cas, ce serait plutôt ça la véritable raison. Ok. On choisit alors le réalisateur John Power, un réalisateur néo-zélandais qui était journaliste en début de carrière et qui a réalisé quelques documentaires avant de se lancer dans le téléfilm de fiction. Il a fait quelques thrillers, mais c'est assez étonnant de le trouver sur les Tomino Cards parce que c'est le seul truc qui ressemble vraiment à du cinéma de genre dans sa filmographie. Mmh. Je dis qu'il ressemble, hein, parce que si ça se trouve, il y a des trucs qui correspondraient, j'ai pas fouillé l'intégralité de sa filmographie, j'ai rien regardé d'autre. Déjà parce que je suis pas sûr que je les trouverais en plus. Fangoria évoque des rumeurs sur un tournage vraiment compliqué, fini à temps mais parce que des jours de tournage sont rajoutés sur les week-ends. Parmi les problèmes évoqués, on mentionne le transport d'éléments inflammables qui ont été retenus à la frontière, ils devaient venir des États-Unis, ils ont été retenus à la frontière de Singapour en étant considérés comme dangereux et qui sont finalement arrivés que pour la toute fin du tournage. Et visiblement, le script aurait été beaucoup réécrit, un membre du casting se plaignant au milieu du tournage de ne jamais avoir lu le scénario complet. Nous allons passer au casting. Jim Gardener est joué par Jimmy Smits, qui jouera 10 ans plus tard le sénateur Bail Organa dans la prélogie Star Wars. Donc c'est le père adoptif de Leia et Anne, non? Alors là, je me souviens même plus de lui dans... Je crois que j'ai lu ça rapidement et que je l'ai oublié parce que je m'en foutais. Mais c'est surtout à la télé qu'il a fait carrière. Avant les Tomino Cars, il avait joué plusieurs années dans La Loi de Los Angeles. Puis il sera dans New York Police Blues et dans certaines saisons d'À la Maison Blanche, Dexter et Sons of Anarchy. À chaque fois, il apparaît pas dans toute la série, il apparaît dans une ou deux saisons, mais à chaque fois dans un rôle plutôt important. D'accord. Bobby Anderson est joué par Marg Helgenberger, qui a joué dans quelques films au cinéma, dont au moins un chef-d'œuvre, hein, parce qu'elle est dans Bad Boys. Je sais que c'est mieux d'être dans Bad Boys 2, mais quand même. Qu'il en soit, c'est mieux d'être dans Bad Boys que dans les Tomino Cars, crois-moi. C'est pas faux. Elle est aussi dans les films La Mutante, mais c'est aussi surtout à la télévision qu'elle a été active, avec une série appelée China Beach, une série sur la vie dans un hôpital au Vietnam pendant la guerre. Ouais. Et après, elle sera pendant 12 saisons dans Les Experts. Alors moi, j'ai vraiment pas beaucoup regardé Les Experts, donc je ne l'ai pas reconnu, mais je crois qu'elle joue une légiste dans Les Experts. Ou... Alors là, des experts, je n'ai que vu le double épisode fait par Tarantino, par curiosité. Et c'est tout. Potentiellement, elle y est, hein, vu qu'elle est c'est un des personnages principaux des 12 premières saisons. Ah, mais du coup, je connais pas, quoi. Mmh. Et nous, on la reverra si on fait Under the Dome, parce qu'elle est dedans. Ruth Merrill, donc la mairesse, plus ou moins, est jouée par Joanna Cassidy. Oui, alors que là, elle est totalement flic. Hein. Ouais, là, elle est clairement... Mais si ça se trouve, elle est plus ou moins flic aussi dans le roman, c'est juste qu'elle cumule et qu'elle a les devoirs qui, normalement, reviennent plutôt à un maire. C'est pas tout à fait pareil, hein, les affiliations aux États-Unis. Ouais. Faut prendre ça en compte. Je l'avais pas du tout reconnue, alors que c'est Dolores dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah oui, maintenant que tu le dis. Donc, un film qu'on aime beaucoup et un personnage très chouette. Hein. Elle est chouette, Dolores, dans Roger Rabbit. Ouais, effectivement. Elle est aussi dans Un vampire à Brooklyn, le Wes Craven avec Eddie Murphy, que je n'ai pas vu, mais qui a pas bonne réputation. Je ne l'ai pas vu non plus. Et dans Ghost of Mars, mais sinon, elle est surtout à la télévision, dans beaucoup, beaucoup de séries, mais souvent, elle est dans un ou deux épisodes. Mais elle tourne beaucoup, pour le coup. Le mésestimé Ghost of Mars. Ouais, je suis d'accord. C'est pas son meilleur, hein, loin de là, mais c'est... C'est fun. On est dur avec ce film. C'est fun, c'est un film fun, ouais. Ghost of Mars. Nancy Voss, donc l'amante du facteur et qui va devenir un peu la guerrière de la ville, est jouée par Tracy Lords. Mm-hmm. Donc Tracy Lords, en fait, elle a eu une carrière assez courte, mais dans les années 80, milieu des années 80, dans le porno. Carrière. Ouais, alors... J'ai failli dire une carrière, elle a été une actrice assez majeure du porno, mais en fait, c'est bien le problème, c'est qu'elle n'était pas assez majeure. En fait, elle avait menti sur son âge pour tourner, et on s'est rendu compte, à ses 18 ans, en fait, que du coup, elle avait pas l'âge légal dans la majorité de ses films, qui sont donc, techniquement, à peu près tous illégaux. Ah merde! Mais ça a été, pendant quelques temps, la star du porno l'a mieux payée aux États-Unis. Elle a vraiment été très très importante. D'accord. Une fois adulte et ne pouvant plus faire de porno à cause du scandale, elle s'est tournée vers du cinéma mainstream, qu'elle a fait surtout dans la série B. Elle a joué dans un film appelé Les Vampires de l'Espace, elle a joué dans Cry Baby de John Waters aussi. Mm-hmm. Par la suite, voilà, elle a une carrière dans des séries B et des films à un rythme relativement soutenu, même si on ne peut pas dire qu'elle est percée vraiment. Ok. Le vieux, le grand-père, il est joué par E.G. Marshall, qui jouait déjà le protagoniste du dernier segment de Creepshow, celui avec les cafards. Ah, mais oui, exact. C'est un segment plutôt sympathique, d'ailleurs. Oui. Butch Duggan, le policier de l'extérieur, il est joué par John Ashton, qui joue Taggart dans Les Flics de Beverly Hills, donc un collègue de Eddie Murphy, ouais. Encore une fois. Il joue aussi dans le chouette Midnight Run. Et il joue dans un film d'Alain René, un de ceux que je n'ai pas vu. I Want to Go Home, effectivement, son film tourné majoritairement en anglais. Oui, en anglais. Et sinon, pas mal de second rôle à la télé. Bryant Brown, donc le père des enfants, est joué par Robert Carradine, demi-frère de David, donc dont on parlera dans le prochain épisode, avec qui il a joué dans quelques épisodes de Kung Fu et dans le film Cannonball. Et sinon, on peut citer qu'il est le rôle principal d'une série de comédies qui s'appelle Les Tronches. Voilà. J'ai compris, Les Troncs. J'ai eu peur. Non, c'est pas, ça a rien à voir avec Dreamcatcher. Et il est dans plein d'autres films et séries télé dans des seconds rôles. On peut citer qu'il joue le père de Lizzie McGuire dans la série, voilà. Très bien. Et il y a un truc qui m'a amusé parce qu'il joue dans Sharktopus versus Pteracuda, donc un film de requin. Il joue un film qui s'appelle Le Docteur Rico. Ah, marrant. Voilà, ça m'a fait rire. Mary Brown, la mère, est jouée par Annie Corley, surtout vue à la télévision, même si elle apparaît par exemple dans Sur la route de Madison. Mais elle apparaît aussi dans Monster de Patty Jenkins, deux bons films, mais elle a des rôles secondaires. Ouais. Joe Paulson, le facteur, est joué par Cliff DeYoung, qui joue dans le très sympathique Vol du Navigateur, un film de science-fiction pour enfants que je trouve vraiment chouette. Je ne connais pas, tiens. Je te le conseille si t'as l'occasion, c'est un bon petit film des années 80, aventure science-fiction. D'accord. Mais il a surtout une carrière de second rôle dans des séries B. On peut citer Carnosaur 2, par exemple. Ah! Même pas le premier. Ah oui, quand même. Et Becca Paulson, la dernière actrice, enfin le dernier personnage qu'on va citer, est joué par Alice Beasley, voix off de Playhouse Disney de 2001 à 2007. Elle a un rôle secondaire dans Stuart Little et dans la série Bird Tour Death avec Jason Schwartzman, et elle fait régulièrement des voix. Voilà. Et bah, pas une énorme carrière, hein, faut admettre. Non, effectivement. Même si apparemment, il y a plein de gens qui se souviennent d'elle pour la voix de Playhouse Disney, mais bon, comme c'est pas passé en France, que je sache, ou alors c'est passé en traduit. Tout ce que je sais, c'est que les gens ne se souviennent pas d'elle pour les Tommy Knockers. Non, mais pas grand monde se souvient des gens pour les Tommy Knockers. Et pourtant, beaucoup de monde se souviennent des Tommy Knockers. Ouais. Au production design, il y a Bernard Hides, qui est australien, déjà actif depuis plus de 20 ans à l'époque, qui a travaillé sur l'étrange film d'horreur Harlequin, qui est plutôt sympa. Je n'ai pas vu, ça fait depuis longtemps qu'il est sur ma liste, Harlequin. Ouais, il vaut le coup, Harlequin, il est surprenant. Ou sur les Traqués de l'an 2000. Ah, que lui, du coup, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et que voilà. T'avais bien aimé, je crois. Oui, qui est très sympa. Et en tant que directeur artistique, dans un genre entièrement différent, il est aussi le directeur artistique de Outrage de Palma. Donc son film de guerre avec Michael J. Fox et Sean Penn. Yes. Qui est très bien, mais vraiment dur pour le coup, Outrage. Pour le vaisseau, il s'est inspiré des vues microscopiques de cellules de plantes afin de donner un aspect en partie organique au vaisseau. Selon lui, il fallait trouver un équilibre entre l'organique et le technologique. Je le cite... Il fallait qu'on ait l'impression, en entrant dans le vaisseau, d'être dans une ruche ou dans une plante géante. C'est une unité douée de croissance, quelque part entre le cristal et la plante. Il n'y a rien qui ait l'apparence d'une technologie avancée, pas d'écran ou de manette. Tout est contrôlé par la pensée. Oui, ok. Du coup, je suis pas d'accord, mais... Oui, on en reparlera. Extérieurement, le vaisseau est très différent de ce qu'il est dans le roman, parce que dans le roman, il est décrit vraiment comme le cliché de la soucoupe volante, oui. Toute ronde et toute lisse, tandis que là, on dirait presque plus... On se demande si c'est pas plus un bâtiment au départ, oui. Vu que c'est très anguleux. Ça fait très ruine. Si c'est pas une sorte de structure. Ce qui est intéressant, pour le coup, comme choix, je trouve. Parmi les autres changements qu'il apporte dans le hangar, il y a des changements qui sont faits... Alors Marshall dit que c'est pour contourner un problème en expliquant que la vision d'origine, donc les personnages branchés dans des cuves de liquide, n'aurait pas été faisable en conservant le confort des acteurs, surtout de E.G. Marshall, qui avait plus de 70 ans à l'époque. Mais je pense que c'est aussi une histoire de restriction due à la télévision. Oui. Les effets spéciaux des aliens sont faits par Brian Penicas et Vance Hartwell sous la supervision pour la construction de Tony Gardner, donc ils sont américains, mais ce trio avait déjà bossé l'année précédente sur La Nuit Déchirée, sur le design de la mer quand elle est sous sa forme monstrueuse. Oui, d'accord. D'ailleurs, le costume principal d'Alien est porté par Karin Malkus, qui avait déjà joué la mère dans La Nuit Déchirée, la mère à la fin, hein, pas la mère quand elle est humaine. Oui, pas la mère où on navigue. Non plus, pas celle-là non plus. Pardon. D'autres éléments dont les squelettes sont faits sur place, donc par un créateur néo-zélandais, Richard Taylor. Alors c'est un peu rigolo, parce que dans l'article de Fangoria, il y a un certain paternalisme, un brin méprisant envers Richard Taylor, en disant « Ouais, il a un petit studio, et il fait ses trucs, et il apprend des gens d'Hollywood. » Sauf que le studio qu'il a fondé, c'est Weta Workshop, ah oui. Avec Tanya Roger. Donc il avait déjà travaillé à l'époque sur Feebles, par exemple, et je crois sur Heavenly Creatures. Et il continuera à travailler avec Peter Jackson sur Les Seigneurs des Anneaux, mais aussi sur des films comme le Peter Pan de 2003, iRobot, je sais que t'es moyennement fan d'iRobot, mais au niveau design, il est quand même très très beau. Oui, non, au niveau visuel, il est joli. Hellboy, Van Helsing, King Kong de Peter Jackson toujours, les films Narnia, Nia, Kingdom of Heaven, District 9, Fury Road, mais c'est pas le film Ai de Shankar, qui est un film indien, donc ça parlera pas à grand monde, mais qui est vachement bien. Et bon, pas mal de Marvel, où il a sûrement fait du moins un bon boulot, mais il doit bosser vite, c'est vraiment juste un incontournable des effets spéciaux actuels. Donc c'est un peu rigolo de tomber sur un article qui le traite comme un mec secondaire. Oui. Alors qu'on a beaucoup plus oublié les trois autres, en réalité. La musique est composée par Christopher Frank, un compositeur allemand, actif sur la série Babylon 5 et pas mal de trucs dérivés de la série de Babylon 5, sur Universal Soldier et sur Walker Texas Ranger sur certains épisodes. Mais en fait, il est surtout notable pour sa carrière en dehors du ciné et de la télévision, puisque entre 71 et 87, je crois, il a été membre du groupe Tangerine Dream, qui est un groupe très important de la musique électronique européenne, allemande en l'occurrence, qui, et donc il a dû participer à facilement une trentaine d'albums, parce que le groupe a une productivité totalement délirante. Et Tangerine Dream, c'est eux qui ont composé la BO de Sorcerer, par exemple. Ah, et de Charlie. Ouais, c'est ça. Et de Charlie aussi, celui avec Drew Barrymore. Donc en fait, on reparlera de Christopher Frank pour la BO de Charlie, même si là, il l'a composé avec le reste du groupe. D'accord. Et depuis, il a fondé le Berlin Symphonic Film Orchestra. Donc c'est quand même quelqu'un d'un peu important pour la musique électronique d'une part, parce qu'il a aussi pas mal participé à des démocratisations de synthé modulaires, je crois, surtout. Et pour la musique de film d'autre part, même s'il faut avouer que la BO des Domino Curs, elle n'est pas passionnante. Hein. Ah oui. Je m'en souviens même plus. Ouais, non, elle est très académique dans le genre SF et loin d'être parmi ce qui se fait de plus réussi. Mais c'est un artiste important. La diffusion originale de la série se fait les 9 et 10 mai 93 sur ABC. Elle sera diffusée en France le 11 février 95 sur M6. Je n'ai pas réussi à trouver les scores d'audience de cette série, mais normalement ils sont pas mauvais parce que ça marchait toujours, les King à cette époque. Hein, c'est pour ça qu'il y en a eu autant. Ouais. La série n'est pas très bien reçue par la critique. Le scénariste Lawrence Cohen lui-même dira en interview que c'est pas son travail favori. Il juge que son script a des qualités, c'est déjà bien d'être content de ce qu'on fait, mais que pour des raisons difficiles à cerner et à contrôler, le film terminé est moins bon qu'il ne l'aurait attendu. Et à l'occasion de la sortie de la nouvelle adaptation du Fléau, donc relativement récemment, King a déclaré dans le New York Times à propos de cette adaptation « Je ne l'ai pas aimé, je m'en fiche complètement ». Au sujet de l'acteur Jimmy Smith, il indique que c'était un bon acteur, mais à qui on a donné des dialogues prétentieux et pompeux, et il pense que 3 heures n'étaient pas suffisantes et que le fond du livre a été totalement loupé. C'est effectivement les rares trucs intéressants qu'on a mentionnés du livre, genre la menace du nucléaire, le rapport à l'addiction, etc. Et à ce que ferait le gouvernement de telle technologie, c'est pas du tout dans l'adaptation. Oui, il n'y a pas de... Non, effectivement. La mini-série a actuellement 2,5 étoiles sur Allociné, ce qui la place 51e à égalité avec La Part des Ténèbres, Des Tours Mortels, Sac d'Os, La Tour Sombre et La Nuit Déchirée, ça n'a aucun sens, et 30% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui la place 55e entre La Cadillac de Dolan et La Nuit Déchirée. En 2018, il y avait eu des nouvelles d'une nouvelle adaptation produite par James Wan, il n'aurait pas été réel, ça a été assez vite dit. Mais j'ai trouvé absolument aucune nouvelle qui ait moins de 5 ans. Oui, donc, autant dire que le projet est tombé à l'eau. Oui, je pense que c'est tombé à l'eau à ce stade-là. Mais voilà, c'est tout pour la présentation de cette adaptation. On va pouvoir donner notre avis. De nouveau, t'as la main. C'était de la merde. À vous, les studios. Ah, Butch, toi et ton éternel soda, tu sais qu'un jour, tout ce sucre dans ton organisme, ça te tuera. Bah, tous les jours, on nous dit que ce qui était mauvais pour la santé hier est bon aujourd'hui, alors je me dis que le moment viendra où ça sera bon aussi. Tu ne crois pas qu'on retrouvera David, n'est-ce pas? Je crois que s'il était dans le coin, on l'aurait déjà retrouvé. Alors il s'est évanoui dans la nature, comme ça. Ça va pas? J'ai toutes ces nuits dehors à chercher, j'ai plus l'habitude. Oui. Écoute, aussi, ça n'est sans doute ni le bon endroit, ni le bon moment, mais je vais éclater si je dis pas ça maintenant. Je connais pas un seul type qui arrive à la cheville de Ralph Merrill. C'était mon meilleur copain, mon collègue, et un sacré bon flic. Mais il nous a quittés. Voilà plus de 5 ans. Et je t'aime de toutes mes forces, Lucy. S'il y a la moindre chance que tu puisses un jour répondre à cet amour... Non, ne dis rien, je me suis assez ridiculisé comme ça. Tu as tort de croire ça. C'est vrai? Tu n'es pas ridicule. Tu veux dire que tu... Oui, Butch. Oui. Oui. Non, mais c'est nul. C'est nul. À peu près pour les mêmes raisons que le roman. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, on en a rien à foutre. Les personnages sont inintéressants. C'est mal écrit. C'est mal réalisé. C'est mal monté. C'est mal joué. C'est... Non, non, non, non. À l'aide. Bah, je suis d'accord. Hélas, c'est très raté. Mais en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que c'est surprenant que ce soit très raté, étant donné le produit de base? Voilà. Le matériel de base. La question, c'est limite plutôt, est-ce que ça aurait pu être bon? Et j'en suis pas certain, en fait. Non, non plus. Ça corrige, je trouve, un défaut, même deux défauts du roman. En choisissant l'ordre chronologique, ça arrange quand même pas mal les problèmes de temporalité du roman. Oui, et même, même d'intérêt des personnages. Ouais, et le fait que ça ne dure que 3 heures va forcer à condenser, donc il y a pas mal de trucs inutiles qui vont quand même sauter. Oui. Mais c'est pas suffisant, parce qu'à côté de ça, il y a d'autres défauts qui sont rajoutés par le manque de budget, par un certain manque d'implication ou de compétence de pas mal de trucs... Ah, et puis il y a quand même une grosse... comment dire... Vraiment, en visualisant la série, et j'avais eu ce même problème avec je ne sais plus quelle adaptation, peut-être que ça va te revenir, que j'ai déjà fait cette réflexion, je ne conçois pas que quelqu'un qui n'ait pas lu le roman puisse comprendre ce qui se passe à certains moments. Il y a vraiment des événements, si tu n'as pas lu le roman, tu ne peux pas comprendre, parce que il y a des trucs qui ne sont pas dits, il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Typiquement, ce que les Tommy Knockers cherchent à faire, ce n'est pas clair dans la série télé. Leur agissement et tout ça, incompréhensible. Tu n'as pas lu le roman, on l'avait déjà dit. On l'avait déjà dit de ça et d'un autre, mais je ne sais plus lequel, effectivement. Peut-être de Sagdos. Ah oui, c'est fort possible que ce soit Sagdos, tiens. Parce que Sagdos, il y avait des trucs confus aussi en adaptation. Mais oui, effectivement, les motivations des antagonistes des Tommy Knockers sont pas évidentes du tout. Mais typiquement, le fait que le vaisseau ressemble limite plus à un bâtiment, voire à vraiment de vieilles ruines, étant donné qu'à aucun moment ce n'est évoqué que c'est une soucoupe volante, enfin un vaisseau extraterrestre, bah vraiment t'as le doute en fait, tu n'as pas lu le roman. Qu'à aucun moment on te laisse imaginer que ça puisse être des extraterrestres. De manière claire. Bah oui, oui, ou alors il faudrait imaginer des extraterrestres, pardon, qui ont déjà été ici. Et qui ont fait un bâtiment, genre qui ont fait moment, une, ouais. Qui aurait, c'est ça. Qui aurait construit une similicité. C'est ça, qui se serait installé sur Terre depuis un bon moment. Moi, c'est ce que je pensais que ça allait partir dans cette direction. En voyant que ça avait effectivement beaucoup l'air d'être des structures enfuies. Ouais. Mais finalement, non, c'est bien une soucoupe. Effectivement, la présentation dans l'ordre chronologique va permettre de créer un peu plus d'attachement aux personnages. Ça va les introduire quasiment tous assez rapidement, même si pour certains, leur présentation est un petit peu étrange, on va dire. Oui. Notamment la présentation de Rousse qui se fait par une visite scolaire du commissariat. Et dans les trucs qu'on fait voir aux gamins, il y a un vieux poivreau en cellule. Et du coup, t'as tous les gamins qui l'observent tandis que lui se réveille de sa cuite. C'est vrai que ça m'a perturbé comme ça. Je me suis dit, mais comment ça? Les mérites éducatifs me paraissent un peu discutables, quand surtout, même. Surtout pour enchaîner ensuite sur... Ah, regardez, ça, c'est la salle des poupées. Mais c'est un commissariat. Ouais, elle garde ses poupées au commissariat, effectivement. Est-ce et David en a peur. Bah, en même temps, il voit une vision un peu cauchemardesque, quand même, puisqu'une des poupées s'anime devant lui. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, ce sera bien plus tard, mais t'as remarqué que quand la poupée japonaise parle, elle a l'accent. Ah non, j'ai pas tilté. Elle dit juste quelques mots, mais elle les dit avec un accent japonais coupé au couteau. Oh merde, la VF est raciste. Ouais. Oh bon, attends, quand même. C'est un peu de qualité, quoi. Heureusement qu'il y a du racisme. Ah putain, est-ce que c'est Michel Lev qui a fait le doublage? Ce serait extraordinaire. Je ne sais pas, j'espère. Donc les personnages qui vont être présents dans cette adaptation, pour les citer, c'est effectivement la shérif Rousse et le policier venu de l'extérieur Butch. Yes. La famille Brown en général, donc Ellie et David les enfants, Bryant et Marie les parents et Eve le grand-père. Ouais. Le facteur, sa femme et ouais, Joe Paulson et la nouvelle. J'ai oublié le nom de la femme, et la nouvelle Nancy Voss, donc elle qui va avoir pas mal d'importance, plus que dans le roman. Oui. Et grosso modo, c'est ça, le cast de personnages dans l'adaptation. Et évidemment, Jim Gardner et Bobby. La scène, ça reprend l'idée que Bobby trouve le vaisseau et que son chien va mieux et donc qu'elle l'amène chez le vétérinaire. Bon, là, pour le coup, la scène qui marchait dans le roman, en version téléfilm, faute de budget et de capacité à bien la réaliser, elle est pas très bien. Hein. Faute de capacité à bien la réaliser, et surtout, elle est over the top, en fait. Genre, comment ça, chez le veto, il y a un mec, il a son alligator. Bah, ou alors en cage. Non, il n'est pas en cage. Oui, non, mais justement, il est libre. Si tu le transportes avec ton alligator, tu le mets en cage, je pense. C'est oui, mais là, dans la scène, il n'était pas effectivement. En cage. Ouais, ouais. C'est très bizarre. Donc ça marche pas. Gardener va y avoir la scène où il pique sa crise à la réception, sauf que comme elle est très courte, le dialogue sur le nucléaire est déjà à peu près supprimé. Ouais. C'est juste évoqué en passant. Et surtout, Gard, son alcoolisme n'est pas particulièrement souligné. C'est-à-dire, le roman en fait peut-être trop. L'adaptation en fait pas, c'est clairement. Oui, clairement. Clairement, elle en fait même quasiment rien. Ouais. Donc c'est là que ça montre ses limites aussi, je pense. C'est ce que ça aurait été possible de mettre une discussion déjà longue, étant donné qu'il n'y avait pas le temps, mais aussi pas mal angoissante sur le nucléaire dans un téléfilm. Je pense que ça a participé aux limites qu'on signale à chaque fois pour les adaptations en téléfilm. C'est est-ce que c'est une si bonne idée d'adapter King, étant donné qu'il y a les limites naturelles de la télé? Je pense que la réponse est non, mais je pense aussi qu'ils s'en sont rendus compte par eux-mêmes, au bout d'un moment. Ils ont mis longtemps à s'en rendre compte. Hein. Oui, bah écoute. Parce que le problème, il est resté jusqu'à Sagdos, quand même. Et le problème va peut-être revenir, avec l'avalanche de séries télé. Oui, même si, techniquement, maintenant, il y a quand même plus de possibilités à la télévision depuis un bon paquet d'années, donc peut-être ah oui, que oui, le oui, problème en termes, sera contourné oui, maintenant. En termes de... d'autorisation, de violence, tout ça. Maintenant, limite, le problème, c'est plus l'inverse, c'est que les séries récentes, elles durent une plombe en s'attardant beaucoup trop sur tout. C'est plus ça hein, qu'on a signalé des séries les plus récentes. Voilà, c'est ensemble. Ça. Monsieur Mercedes, on te regarde. Oui, oui, bah oui, et puis malheureusement, on va devoir te regarder deux fois encore. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelques plans réussis quand Gardener se réveille sur les rochers. Je trouve que là, il y a un plan réussi qui fait bien ressortir son égarement. Oui, oui, à la limite. Il n'y en a pas des masses dans le film, donc je vais les signaler, quoi. J'aime beaucoup, moi, le passage un peu nanardant de Gardener qui, après l'embrouille avec l'autre con, là, il se dit « Bah allez, je me casse, hein !» Et puis, bah, en fait, il sort par la fenêtre, donc il s'explose la gueule par terre. Oui, c'est un peu rigolo, ça va. Je pense que c'est un truc que beaucoup de mecs bourrés ont dû faire. Ah oui, bah peut-être. Donc, il va revenir chez Bobby et la trouver dans un état, comme je disais, très différent de dans le roman, vu que les événements vraiment autour de Peter et de Bobby totalement émaciés sont décalés à beaucoup plus tard. Oui. Donc là, elle est encore capable de parler avec lui, de lui présenter les choses, ils sont encore capables de se réconcilier, etc. Et attention! Dans le roman, ils ne sont que amants, ils n'ont été que amants passagers. Là, ils sont vraiment en couple. Oui, effectivement, ouais. Et globalement, ça a aidé à créer un peu plus d'implication pour les personnages tout de même, parce qu'on va pouvoir un peu s'attacher, s'intéresser à leur couple. Oui. On peut pas retirer ça à l'adaptation. Les Tommy Hawkers s'expriment principalement via la lumière verte, là, qui est vue par pas mal d'habitants de la ville un peu partout. Ouais. Ils communiquent avec les gens, encore une fois, par via des objets extérieurs. Oui. Beaucoup plus d'objets technologiques que dans le roman. Oui, c'est ça. Il n'y a plus du tout le côté religieux, par exemple, pour Becca Paulson. C'est sa télé qui lui parle, mais c'est une émission, un télécrochet banal qui lui parle. Il n'y a plus l'idée qu'elle entend Dieu dans sa tête. Non, mais du coup, il y a toujours le côté un peu passion, parce que c'est une émission de télé qu'elle regarde tout le temps. Tu vois ? Mais je me suis demandé si pourquoi ça avait été fait. Est-ce que c'était pour pas se mettre à dos certaines communautés religieuses ? Peut-être. J'en suis pas certain, hein, mais je me dis que c'est une possibilité. Mmh. Oui, ça peut. Et globalement, ça va commencer à pouvoir lire dans les pensées, notamment Bobby qui se rend à la poste et qui entend Joe et Rebecca qui rêvent de faire des trucs dans l'arrière-boutique. Oui. Je sais pas si on parle de l'arrière-boutique de la poste ou de Rebecca, mais voilà. Ah, bravo. Ouais. La scène où il y fait disparaître son frère n'est pas très réussi, je trouve. Ouais, elle est même totalement nulle. Ouais. En partie parce qu'elle est mal construite. Dans le roman, c'est quand même précisé qu'il a fait pas mal de tours différents et que donc tout le monde commence à s'ennuyer et surtout tout le monde est pas mal frappé par les Tominokers à ce moment-là et donc se fout de tout. Tandis que là, il a fait juste deux tours de disparition où tout le monde était plutôt enthousiaste. Et après, quand il fait disparaître son frère, tout le monde se barre avant qu'il le fasse réapparaître d'un coup. C'est ça, la réaction est tellement bizarre. Ouais. Genre, il fait disparaître son frère pour le tour de magie, et puis là, oh allez, c'est l'heure du goûter, hein, tu ramènes ton frère. Hein. Ouais, c'est ça. La réaction est si bizarre. Ils vont contacter assez vite que le frère a disparu, vu qu'ils vont vite voir qu'il n'y a absolument rien sous le drap de Illy, et que son frère n'est pas sous le drap. Ah oui, du coup, eux paniquent, mais les invités de la réception continuent à faire la fête à l'intérieur. Ouais. Très bizarre. Ça va être un changement par rapport au roman. Marie Brown va moins céder aux Tominokers parce qu'elle va plus continuer à s'inquiéter tout le temps pour son fils disparu. C'est le père qui, lui, n'en a vraiment rien à faire. Oui, il se met à inventer des trucs totalement useless. Oui. Mais ce qui, à la limite, n'est pas inintéressant et qui était aussi dans le roman, qu'ils utilisent beaucoup la technologie pour inventer des trucs totalement débiles qui, objectivement, ne servent à rien. Hein. Oui. Et que les seuls trucs vraiment utiles, en fait, ce sont les armes. Donc, encore une fois, ça pousse à se questionner sur l'utilité de la technologie. Tout à fait. C'est là que Bobby crée la machine à écrire télépathique. Enfin, c'est pas là qu'elle le crée, c'est là que Gardner le découvre. Ouais, effectivement, oui. Plutôt. Et qu'elle écrit son roman, par contre. Elle l'écrit à ce moment-là, elle l'avait pas écrit avant. Et par contre, là, c'est une machine à écrire qui fonctionne quand elle dort. Alors que dans le roman, c'est elle est réveillée, c'est juste qu'elle fait d'autres trucs. Oui, ça peut aussi fonctionner quand elle dort, je crois, dans le roman. Vu qu'il suffit qu'elle narre, je crois que ça fonctionne un peu n'importe quand. Ouais. Nous sommes sur le point d'atteindre la phase finale. Mais nous devons maintenant faire très attention. Est-ce que tout est comme il se doit ? Les panneaux de déviation entourent la commune. Et ceux qui passeront outre le perron de leur vie. Comme ces deux idiots d'agents. Ils ont une sale surprise. 1, 2, 3. Mon gadget les a envoyés dans la 4e dimension. Il n'était pas nécessaire de les zapper. En temps voulu, ils se seraient transmués. Tous ne se sont pas transmués. Ton compagnon ne l'est pas. Il va l'être. Ça va lui arriver à lui aussi. Je ne peux pas lire dans ses pensées. Il est différent de nous. Il est dangereux. Il peut signifier notre fin. Pas un homme seul. Il faut le zapper. J'ai dit non. Laissez-le-moi. Le temps est proche où nous allons enfin être tous unis. Êtes-vous prêts à finir de vous transmuer ? Oui. Êtes-vous prêts à vous transmuer en une seule voix qui sera bientôt libre ? Oui. Une grande voix, une voix puissante et souveraine qui va connaître plus encore. Oui. Être plus encore. Oui. Faire plus encore. Oui. Une voix. Oui. Une seule voix. Une voix. Une voix. Dans les idées plutôt pas mal, il y a la scène du feu d'artifice du 4 juillet. Ah oui, feu d'artifice vert qui tout vert. Du coup hypnotise un peu tout le monde et surtout achève de transformer les gens en fait. Ouais, c'est ça. Avec les poupées aussi qui ont les yeux qui brillent. Parce que jusque-là, tu ne l'as pas évoqué, mais quand même, la transformation du postier et de l'assistante, là, mais c'est ridicule as fuck. Hein. Ils sont tous les deux dans leur voiture, t'as une espèce de tache verte qui est sur le sol, qui, et tu sais, qui pop en dessous de leur voiture. La voiture se secoue, et voilà. Ah oui, oui, effectivement, j'avais oublié cette scène, tu vois. Ah, c'est ridicule au possible. Là, j'ai noté dans mes notes que effectivement, avoir choisi l'ordre chronologique, c'est mieux pour l'application, en partie, mais en même temps, ça fait qu'il y a beaucoup de persos et qu'on a un peu l'impression d'un enchaînement de scénettes pas vraiment reliées entre elles. Donc c'est pas non plus optimal comme structure. Ouais. Il reste quelque chose qui ne marche pas terriblement. Oui, ça s'appelle un téléfilm, Sam. Ah, pardon. Oui, c'est pas... Non, on a dû en voir des biens, on a déjà vu des bons téléfilms. Ah non, mais je parlais de lui, en l'occurrence, celui-là oui. Seulement. Moi, je m'attiens, parce que on a déjà vu la relation évoluer là où on en est actuellement dans le téléfilm. Je maintiens que la relation entre Rousse et le flic de Derry, je trouve que c'est une relation mignonnette, pas trop mal écrite. C'est une relation plutôt crédible, en fait, je trouve. Oui, elle fonctionne beaucoup mieux que dans le roman, en partie parce que dans le téléfilm, ils vont s'avouer oui. Leur amour. Voilà, ils vont jusqu'au bout. Ouais. Donc effectivement, encore une fois, ça aide un peu à l'implication pour ces personnages-là. C'est là qu'on rejoint vraiment à peu près le roman, enfin le début du roman avec Butch qui a beaucoup maigri, qui s'évanouit dans les bras de Garde, ouais. Et Peter qui va disparaître. Ouais, enfin disparaître. Oui, voilà. Où est Peter ? Bah il est mort, ah d'accord. Voilà la réaction. Ouais. Rousse va refuser de céder aux Tommyknockers et donc elle va se faire tuer par ses poupées dans oui. Celui-ci. Ce qui est en soi cohérent, je trouve. Elles lui font tomber un buste sur la gueule. Ouais, ce qui m'a rappelé une scène similaire dans 9 mois ferme de Dupontel où il y a un personnage qui se prend plusieurs fois un buste sur la tête, sauf que du coup c'est comique dans le Dupontel, mais bon ça c'est pas de la faute des Tommyknockers. Oui, voilà. On constate que Nancy Voss a inventé un rouge à lèvres laser. Est-ce que... Voilà. Attends, mais... Est-ce que, t'as même pas évoqué la mort du facteur. Je me rappelle plus comment il meurt, le facteur. Bah, comme dans la... Comme dans le roman, électrocuté par la télé, alors qu'on essaie de l'éteindre. Oui, effectivement, oui. Mais la scène est pareil, c'est ridicule. Enfin, l'effet spécial est dégueulasse, quoi. Ouais. Il appuie sur le bouton pour éteindre la télé, puis il est électrocuté par une espèce de lumière verte. C'est pas beau. Il y a beaucoup plus la présence du vert hein, dans le téléfilm encore oui. Que dans le roman. Même Nancy, quand elle transforme les gens, enfin quand elle tire sur les gens avec son rouge à lèvres, il se transforme en espèce de flaque verte. Oui. Le rouge. Bah, et du coup, voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce que Nancy, on découvre l'invention du rouge à lèvres quand elle se rend sur la tombe du facteur, justement. Oui, c'est ça, pour lui dire qu'elle doit passer à autre chose. Avec une scène ridicule, mais oui. Elle est là en tenue de veuve et puis elle lui dit « Bon, bah maintenant que t'es mort, bah faut quand même passer à autre chose. » Elle retire son manteau de veuve et puis en fait, tu vois une robe rouge ultra sexy en dessous, tu fais « Bah, qui fait ouais. Ça ?» Mais qui fait ça ? Bah, c'est l'influence des Tommyknockers. Oui, sans doute. C'est ça. Et oui, tu te rends compte qu'elle a inventé un... telle une Total Spice des temps modernes, un rouge à lèvres qui fait alors fondre les bustes des cimetières, mais qui fait disparaître les gens, par contre. On verra ça plus tard. Donc ça, du coup, ça a plusieurs effets. Comment ça marche? Je comprends pas. C'est ce que c'était le meilleur objet à utiliser pour faire un laser du rouge à lèvres. Elle avait pas autre chose sous la main? Je pense que quand tu es un scénariste légèrement sexiste, oui. Ouais. Voilà. Effectivement. Ça doit être ça. En fait, c'est surtout ça le problème. Ouais. Garde, du coup, comme on le disait, est beaucoup moins nettement hyper alcoolique que dans le roman. Donc, on va essayer de le faire boire, mais il va moins céder, à part dans la scène où il est au bar et où il s'endort dehors, mais ça va moins prêter à conséquence. Oui. Et justement, en se réveillant, il va voir les citoyens Tommyknockers se réunir chez Bobby et dire tout ce qu'ils veulent tuer Garde, sauf elle, qui est la seule à continuer à le défendre. Et c'est là où il y a vraiment les premières traces de la transformation physique, où ils sont tous amincis. Ouais. avec un teint un peu cadavérique. Le maquillage est pas trop mal fait à la rigueur. À ce moment-là, oui, ce sera moins convaincant à d'autres moments ensuite. C'est aussi là qu'il essaie de quitter la ville et qu'on constate qu'il y a un champ de force qui empêche de sortir de la ville et qui est très mal fait, là aussi. Oui. Et après, bah, ça va recouper assez rapidement, en réalité. Une grosse différence, c'est que tous les Tommyknockers vont s'y... Enfin, tous les citoyens Tommyknockers vont s'y mettre pour déterrer la structure. Oui. Là, c'est un travail collectif pour aller plus vite. Plutôt bonne idée pour accélérer un peu l'intrigue, pour le coup. Ils vont l'utiliser, lui, comme esclave. Garde. Oui, oui, voilà, bah ça, c'est cohérent avec le roman, encore une fois. Dans le téléfilm, c'est aussi mentionné hein, les changements positifs de l'esprit des Tommyknockers. Parce qu'il y a un moment où lui va à la poste, et t'as Nancy qui, en fait, lit dans les pensées des gens avant même qu'ils arrivent au guichet, et donc elle est capable de les servir direct. Et t'as le gamin, là, qui avait des lunettes, façon labinocle dans les rase-moquettes, qui, du coup... n'en a plus et lui tilt en mode « Ah bah, tu mets des lentilles maintenant ?» Oui, effectivement. Donc oui, le film... Les Tommyknockers peuvent soigner dans l'ensemble, mais en fait, ils soignent pour transformer sous une autre forme physique. Donc est-ce vraiment positif à terme ? Bah au final, pour te transformer en Tommyknockers. Voilà, c'est ça. Donc non, effectivement. Voilà. Quand tu vois la gueule des Tommyknockers, c'est pas très positif. On va reconnecter avec une partie de la conclusion du roman en retrouvant Butch et Eve qui se rendent dans la ville complètement désertée. Alors déjà dans le roman, c'est un peu rapide la manière dont il convainc Butch, mais on peut se dire c'est parce que Butch connaissait Rousse. Là, on voit même pas la scène où il va voir Butch. C'est juste, ils sont en voiture ensemble. Oui, voilà. Et c'est Butch ici qui est victime de la machine à soda. Eh oui, dans une scène narlande au possible. Ah ouais. Elle est incroyable cette scène. Ouais. On sent qu'il n'y avait pas l'argent mais qu'ils avaient absolument voulu mettre la machine. Le mec se retrouve la main coincée dans un distributeur de soda qui se met à lui balancer du soda à la gueule. Et on ne sait pas pourquoi le gars comprend que ça va exploser. Et je pense pas qu'une machine à soda en vrai soit capable d'exploser comme ça parce que là... Si j'en vois une un jour qui me balance du soda à la gueule, je m'éloigne hein, dans le doute. Oui, dans le doute. Mais là, c'est quand même 15 tonnes de TNT quoi, qui pètent. Oui, bah on va dire que c'est les Tommyknockers qui ont mis des explosifs dans la machine. À chaque fois, quand je vois des scènes comme ça, ça me fait penser à cette séquence dans un épisode des Griffins où il y a un accident de la route. Et en fait, à un moment, t'as une bagnole qui tape un peu dans une charrette avec un cheval et t'as le cheval qui explose. Et ce gag me fait toujours autant rire. Oui, il est drôle. Voilà. C'est à chaque fois que je vois des explosions abusées, je pense à ce gag des Griffins. Je crois que c'est dans les Griffins. Hein. C'est régulier, les explosions abusées, quand même. Hein. Oui. Bobby et Jim vont réussir à entrer dans le vaisseau, garder aller dans le hangar. Entre-temps, il a vu Peter et Eve, et pas Anne, vu que la sœur est absente de cette adaptation. Et c'est tant mieux, parce que oui. Ça aurait servi à rien. Et là, il va faire croire à Bobby qu'il se transforme lui aussi pour regagner sa confiance. Ouais, il va s'arracher une dent. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses du décor du vaisseau, toi ? Écoute, pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que le réalisateur voulait. Enfin, je sais pas, moi je vois un vaisseau moderne, je vois pas de l'organique. Il est entre deux. Je trouve qu'il y a un petit côté quand même si un peu organique... Un petit côté inattendu, on va dire, pour un vaisseau moderne. Et puis, je suis pas d'accord. Ça, son but, c'était que tout puisse se contrôler par l'esprit. Bah non, en fait, vu que on voit bien que Gardner, à la fin, il s'enfonce des trucs dans la tête pour pouvoir contrôler le vaisseau en maintenant deux manettes, une dans chaque main. Désolé, hein, mais pour moi, ce n'est pas l'esprit, ça. C'est comme ça que le vaisseau est contrôlé. Et il vire même un cadavre de Tommyknockers pour prendre sa place. Oui. Oui, non, mais c'est... Ou alors c'est contrôlé par la pensée, mais il faut être assis dans ce fauteuil-là pour le faire. Oui, mais quoi qu'il en soit, tu dois quand même mettre tes mains sur des manettes. Ouais. Ouais, écoute, c'est de la semi-pensée, on va dire. ouais, c'est bon. En tout cas, j'ai du mal à croire qu'une race avancée crée un truc pour contrôler... crée un système de contrôle d'appareil où tu dois t'enfoncer des grosses broches dans la tête. Oui, ça me paraît très bizarre. Tu t'y connais pas en technologie. Non, c'est vrai, je m'y connais pas en technologie. Surtout en technologie télépathique. C'est on vrai, sait pas, peut-être que ça marche. C'est vrai, par contre, moi, monsieur, je m'y connais un peu en bon film et en bon roman, et c'est pas du tout ça. Oui, ça, d'accord. Et encore, je m'y connais. Bon. Et donc, Garde révèle qu'il a menti en disant qu'il était du côté des Tommyknockers parce qu'il espère convaincre Bobby qu'il ne faut pas les écouter. Et là, il y a un ancien Tommyknockers qui se réveille. Ouais, parce qu'elle est toujours à la pointe, quoi. Bobby. Ah, joli. Voilà, ouais. Ça fait depuis tout à l'heure que je me retiens. Ouais, non, mais si, il fallait la faire. Donc, Garde se fait poignarder par le Tommyknocker, mais il arrive à le décapiter avec sa pelle, ce qui désenvoûte Bobby. Ouais. Et ça leur permet de retrouver David qui était dans le vaisseau dans cette version, c'est pratique. J'en profite pour dire que le design des Tommyknockers est classique, mais ça va, il n'est pas dégueulasse. Oui, ça fait le travail. Et les costumes, pareil. Bon, tu sens le manque de budget, mais on a vu bien plus horrible. Oui. Eh ben ça va, j'essaie de trouver des bons points. Non, mais je suis assez d'accord. Et donc là, pour le coup, le seul truc qui va être commun vraiment avec la fin du roman, c'est Garde qui va se condamner en s'envolant avec le vaisseau pour le faire exploser dans l'espace. Ouais. Sinon, des Tommyknockers, il n'y en a pas beaucoup qui vont mourir. En fait, il n'y a que Nancy Voss, donc celle au rouge à lèvres, qui est tuée alors qu'elle allait s'occuper de Bobby. La fin est beaucoup moins apocalyptique que celle du roman. Oui. Bah après, ouais, déjà, le budget, budget fois, ça aurait été dur à gérer, et je pense aussi qu'une fin aussi sombre que celle du roman n'aurait pas été acceptée à la télévision. Ils voulaient une fin heureuse, ouais. Plus heureuse en tout cas. Donc oui, le seul mort vraiment notable, c'est Gardener. Donc voilà. Quoi. Oui. Même le chien est vivant. Il redevient un héros. Quoi. Ouais. C'est vrai qu'ils ont été beaucoup moins violents avec le chien que dans la version roman. Dans le roman, oui. C'est une espèce de bouillie infâme. Ouais. Il n'en reste plus grand-chose. Ah, ça va être une règle, on fait pas de mal aux animaux dans les films tout public. Ouf. Quoi ? Tu vois des exemples contraires ? Bah, il y a un chien qui se fait bouffer par un T-Rex dans Jurassic Park 2, oui. Je vois un exemple concret. Oui, mais est-ce que c'est tout public, Jurassic Park 2 ? Bah... Je crois que ça avait une interdiction, non ? Ah bon ? Moi, je sais pas. Un peu élevé. Ah, peut-être aux States, remarque. C'est vrai que chez nous, on est quand même moins... Chez nous, on est moins regardant. Chez nous, j'ai un doute, hein. Ah ouais, non, tout public en France, Jurassic Park 2, tu vois. Ouais, mais du coup, aux States. Cru. PG-13, oui, voilà. Donc c'est pas non plus un gros truc. C'est juste l'accord parental, PG-13. Tu sais, chez nous, on a toujours été, en France, on a toujours été moins violent, oui, oui. En termes d'avertissement. Hein. Non, mais certes, mais peut-être que je me rappelle du film plus violent qu'il ne l'est aussi. C'est possible, je l'ai vu qu'une fois, hein, Jurassic Park 2. Donc voilà, une adaptation qui tente de faire ce qu'elle peut, qui a des bons choix en réalité, mais ça suffit pas. Alors attends, parenthèse, je voulais avoir un autre point de comparaison. Il y a un film là que je suis devant l'affiche, je vois interdit aux moins de 12 ans. Moi personnellement, jamais je le montre à un enfant de 12 ans, il s'agit de La Mouche. Voilà. Ah oui, c'est jeune 12 ans pour La Mouche, il est voilà. Bien dégueulasse. Ou alors un enfant de 12 ans, vraiment très très solide. Aux États-Unis, c'est vraiment R, restricted, 17 ans. C'est peut-être un peu élevé pour le coup, il faudrait un truc intermédiaire, mais oui, La Mouche, c'est un film bien sanguinolent. Voilà, quand même. Bref, parenthèse refermée. Ah, ça fait du bien de parler de bons films un peu. Bon, on va pouvoir passer à une scène pour replonger dans tout ça. Ah oui, super, oui. Ouais. Et moi aussi, j'ai envie de replonger, oui. Très bien, nous allons lire un extrait issu de la première partie du roman quand Gardener revient à Haven et retrouve Bobby. Je lis l'édition France Loisirs, la traduction est de William Olivier Desmond. La silhouette à la porte était mince, beaucoup trop mince, se dit-il, pour être celle de Bobby Anderson, qui n'avait jamais été grasse, mais tout de même solidement bâtie et agréablement ronde partout où il le fallait. Mais la voix, bien qu'aiguë et tremblante, était sans nul doute possible celle de Bobby. Et Gardner se détendit un peu, parce que Bobby avait l'air encore plus terrifié que lui, debout près de la boîte aux lettres et regardant la maison. « Qui est là? Qui est-ce ?»« C'est garde, Bobby. » Il y eut un long silence, puis des pas sur le porche, puis de nouveau la voix méfiante de Bobby. « Garde, c'est vraiment toi ?»« Ouais. » Il s'approcha en souffrant sur les durs graviers acérés du chemin jusqu'à la pelouse. Alors il posa la question pour laquelle il avait parcouru tout ce chemin et différait son suicide. « Bobby, est-ce que tu vas bien ?»« Je vais bien, » dit Bobby, comme si elle avait toujours été aussi terriblement maigre, comme si elle avait toujours accueilli les nouveaux venus dans sa cour avec une voix suraiguë et terrorisée. La voix de Bobby ne tremblait plus, mais Gardner ne pouvait toujours pas la distinguer clairement. Le soleil était depuis longtemps descendu derrière les arbres, épaississant les ombres. Il se demanda où était Peter. Bobby descendit les marches du porche et sortit de l'ombre du toit. Gardner put la voir vraiment dans la lumière blafarde de la nuit. Il fut frappé d'horreur et de stupéfaction. Bobby venait vers lui, souriante, visiblement ravie de le voir. Son jean flottait et claquait sur ses jambes et sa chemise n'était pas plus ajustée. Son visage était décharné, les yeux profondément enfoncés dans les orbites, le front pâle et comme trop large, la peau tendue et luisante. Les cheveux défaits de Bobby lui tombaient sur la nuque et les épaules comme des algues rejetées sur une plage. Sa chemise était mal boutonnée et la braguette de son jean ouverte aux trois quarts. Elle sentait la crasse, la sueur et... enfin, comme si elle avait eu un accident dans son pantalon et avait oublié de se changer. Une image traversa soudain l'esprit de Gardner. Une photo de Karen Carpenter prise peu avant sa mort, prétendument consécutive à une anorexie mentale. Il lui avait semblé voir l'image d'une femme déjà morte, mais pourtant en vie, d'une femme souriant de toutes ses dents, mais dont les yeux fiévreux criaient. Maintenant, Bobby ressemblait exactement à ça. Elle n'avait pas dû maigrir de plus de 10 kilos, elle ne pouvait se permettre davantage si elle voulait rester debout. Mais Garde ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait dû en perdre une quinzaine. Elle semblait au dernier degré de l'épuisement. Ses yeux, comme ceux de cette pauvre femme perdue sur la couverture du magazine, étaient immenses et brillants, son sourire, celui énorme et vide d'intention d'un boxeur qui va tomber KO juste avant que ses genoux ne ploient. « Très bien, » répéta ce squelette titubant, tâtonnant et sale. Comme elle s'était approchée, Gardner put à nouveau entendre le tremblement de sa voix. Il n'était pas dû à la peur, comme il l'avait pensé, mais à l'épuisement. « J'ai cru que tu m'avais abandonné. Ça fait plaisir de te voir, vieux. »« Bobby, Bobby, seigneur, qu'est-ce que... » Bobby tendait une main pour que Gardner la presse. Elle tremblait comme une feuille dans l'air et Gardner vit combien le bras de Bobby était devenu incroyablement mince, effrayant. « Il se passe beaucoup de choses, » dit la voix rauque et tremblante de Bobby. « J'ai abattu beaucoup de boulot et il en reste encore beaucoup plus à faire. Mais je touche au but, bientôt, attends de voir. Bobby, qu'est-ce que... »« ça va bien, » répéta Bobby. » Et elle tomba en avant, à demi-consciente seulement, dans les bras de Gardner. Elle tenta de dire autre chose, mais il ne sortit de sa bouche qu'un gargouillis inarticulé et un peu de salive. Sa poitrine, toute petite, reposait comme une galette plate sur l'avant-bras de Gardner. Il souleva Bobby et fut frappé de la trouver si légère. Lui, c'était bien 15, au moins 15 kilos qu'elle avait perdu. Incroyable, mais malheureusement indéniable. Il eut soudain le sentiment de découvrir une réalité aussi choquante que pitoyable. Ce n'est pas Bobby, c'est moi. Moi, à la fin d'une cuite. Il se hâta de porter Bobby en haut des marches, puis dans la maison. Très bien, et maintenant la scène du retour de Jim Gardner dans l'adaptation. Bobby, t'es là? Je suis heureuse de te voir. Ouais. Attends, attends, tu vas voir. Ça aurait pu être toi, garde. Toi qui aurais pu le trouver, chérie. Trouver quoi, voyons? Je pense que ça t'était destiné. Quoi? Qu'est-ce qui m'était destiné? Je crois que tu comprendras quand tu le sentiras, oui. Quand tu le verras. Hé! Qu'est-ce que t'as trouvé? L'euphorie. Un miracle. D'abord, j'ai cru que c'était simplement une voiture. Tu sais, comme la fois où nous avons trouvé cette Chevrolet. Ah oui. Enfin, je veux dire que j'aurais pu passer à côté de cette chose 3 fois par jour pendant 40 ans sans jamais tomber dessus et... Oh, ça va? Oui. Oui, ça va. Mais je t'en prie, ralentis un peu, tu veux? Oui, d'accord, t'as raison, je m'emballe. Ouais. C'est que j'ai passé une nuit blanche, tu comprends, et puis j'ai rien mangé depuis hier. Oh, je te jure, regarde, je me sens vraiment différente. Je déborde d'énergie et j'ai plein d'idées. Enfin, je... Tu crois vraiment que c'est cette chose que tu as trouvée dans le sol qui te met dans cet état? Oui, et elle affecte aussi Peter, je te jure. Oui, oui, oui, son œil va beaucoup mieux. Oui, sa cataracte, elle a disparu. Voyons, chérie. Oh. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Oh, viens voir, je vais te montrer. Ça fait 2 ou 3 jours que je me sens pas très bien, tu sais. Non, je ne savais pas. En tout cas, tu sais où j'étais. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. À ton sujet, tu comprends? Alors tu es revenu plus tôt, c'est ça? Mon héros. Ouais, tu parles. Je me suis fait virer. Quoi? En fait, j'étais bourré, je suis désolé. Tu dis que t'es désolé et hop, c'est réglé. Après tout ce qu'on a fait ensemble pour te sortir de là, tous nos efforts, tu es désolé. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un certain succès à cette lecture, j'ai regretté que tu sois pas là pour le partager, et après je sais pas, je... Je t'en prie, dis quelque chose. J'ai rien à te dire. Voilà donc deux scènes assez différentes, puisque comme on l'a dit, l'ordre des événements est pas mal changé. Bon, je te laisse peut-être commencer à évoquer les différences. Dans le roman, déjà dans le roman, je précise, c'est une séquence qui est vraiment pas mal, contrairement à la version adaptation qui est là un peu plus, on s'en fout quoi, elle est un peu plus osef. Ce que j'aime bien dans la version roman, c'est qu'il revient vraiment chez Bobby. Lui, il est totalement perdu, puisqu'il a eu des espèces de simili-visions comme quoi quelque chose ne se passerait pas bien pour elle. Et au milieu de ça, c'est la pluie, il y a une espèce d'orage, donc lui, il est perdu. Il distingue une silhouette, il ne sait pas trop si c'est elle, si c'est elle. Il y a vraiment un côté un peu apocalyptique, pré-apocalyptique en fait, sur l'événement qui est en train de se produire pour Gardener. Et c'est ce qui rend bien finalement, c'est que toi, en tant que lecteur, j'allais dire spectateur, toi en tant que lecteur, tu es tout aussi perdu que lui, ce qu'il est en train de vivre pour son retour chez Bobby. Alors que, et du coup, elle est totalement catatonique, totalement épuisée par tout ce qu'elle a vécu sur les derniers jours, alors que elle est surexcitée et totalement pimpante dans l'adaptation. Lui revient, vu qu'ils sont en couple officiel dans... L'adaptation, il rentre chez lui, tout simplement, donc il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste un mec qui rentre chez lui, et du coup tu te dis, je tilte en fait que le mec a fait du stop pour rentrer chez lui. C'est bizarre, mais bref. C'est parce qu'il était, il s'est quand même beaucoup déplacé à cause de sa cuite, et donc il était à un endroit qu'il ne connaissait pas, je pense que c'est pour ça. Ouais, je sais pas, je pense surtout que c'est parce que c'est très mal écrit. À l'époque, le stop, je pense que c'était quand même plus démocratisé... aujourd'hui, et il pouvait pas vraiment prendre un taxi s'il a pas d'argent. Il avait l'air d'être dans un autre état, quoi, pour faire ses dédicaces. Bref, on s'en fout, c'est juste un détail. Du coup, les deux scènes sont très différentes. T'as vraiment une scène très crépusculaire qui annonce vraiment, qui annonce l'apocalypse qui arrive, et une scène très lumineuse qui, elle, au contraire, t'annonce pas grand-chose en fait, si ce n'est l'ennui. Parce que clairement, la scène de l'adaptation, on s'en fout un peu de ce qui est en train de se passer. Ce qui joue, et qu'on signale souvent pour les adaptations télévisuelles, on l'a pas précisé là, c'est que la photographie est pas formidable. Oui, en plus. C'est vrai. Ça n'aide clairement pas. Tout à fait. Après, sinon, la volonté de tout de suite enchaîner sur les scènes de la découverte du vaisseau, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas, c'est vrai. En soi, c'est vrai que ça permet quand même d'accélérer toutes ces scènes-là, de montrer directement que Bobby a beaucoup creusé, a fait beaucoup de trucs. Donc, ça peut être... plutôt intéressant, et comme on le disait, ça rajoute à l'attachement envers les personnages que Bobby en ait quelque chose à faire de ce qu'est Gard, et du fait qu'il est foutu en l'air, son occasion de faire son tour de poésie en buvant trop. Elle est vraiment mécontente dans l'adaptation. Oui, parce qu'il lui annonce qu'il s'est fait rouster, virer, licencier. Ouais. Et bah, du coup, elle le prend plutôt mal. Il peut être compréhensible. Dans le roman, c'est à peine si elle l'interroge. En réalité, elle s'en fout complètement. À ce stade-là, elle est déjà indifférente au reste du monde. Oui. Et en fait, oui, c'est peut-être plutôt intéressant que dans l'adaptation, ça vienne plus tard, la Bobby squelettique, parce que là, on a vraiment eu le temps de s'attacher à elle quand ça arrive, mais le prix à payer, c'est, comme tu le dis, que la scène n'a pas vraiment d'impact, la scène du retour de Gardner n'a pas vraiment d'impact, alors qu'elle en a vraiment un dans le roman, pour le coup. C'est ça. C'est ça qui est dommage. Donc c'est intéressant, parce qu'entre deux options, il n'y en a aucune qui marche totalement. Et je me demande comment on aurait pu bien adapter ça, comment on aurait pu bien mener cette scène, ou alors il aurait fallu avoir la version du roman, mais après revenir à une Bobby qui se soigne un peu parce que Gardner arrive à la détourner un peu des Tommyknockers un temps. Ouais, je pense que c'est ça qui aurait été l'idéal. Ouais. Avec en plus une vraie lumière, quoi, un vrai travail sur la lumière. Oui, aussi. Mais même en roman, hein, c'est peut-être ça le souci, c'est qu'il il était tellement à fond dans le thème de l'addiction qu'il n'a pas une seule fois traité l'idée de période de rémission, même provisoire, qui aurait non seulement été un thème intéressant, mais aussi permis l'attachement au personnage. Mmh, tout à fait. C'est peut-être un des gros manques du roman à terme. Mais donc voilà ce qu'on peut dire de cette scène. Et on va pouvoir classer. On va pouvoir classer les Tommyknockers dans notre classement incroyable. Très bien, il est donc temps de faire nos fameux classements. Comme d'habitude, je m'occupe du classement des écrits, romans et nouvelles. Mon camarade Issam s'occupe du classement des adaptations. Au niveau des écrits, nous en sommes à 58. Les 5 premiers étant Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de Lisey. Tandis que les 5 derniers écrits du classement sont Le Radeau, L'année du loup-garou, Dr. Sleep, Le cinquième quart et Grand chauffeur. Bon, ça sert à rien de remonter dans le classement. Ouais. Ouais. Ça sert à rien de remonter dans le classement. Putain, je déteste fondamentalement Dr. Sleep. Mais force est de constater que c'est un roman mieux écrit. Ouais, et puis il y a des personnages qui marchent dans Dr. Sleep, on l'avait dit, je crois Abra est plutôt attachante. Oui, il y a même des séquences qui marchent dans Dr. Sleep. Le moment où ils sont tous réunis et qu'ils torturent psychiquement le gamin, là. Je sais plus si elle est dans le roman. Oui, si elle voyait, vu que l'adaptation est très fidèle. Mais je sais plus à quoi elle ressemble dans le roman, cette scène-là. Je m'en souviens dans l'adaptation. Mais il me semble qu'elle est bien écrite, cette scène, et qu'elle envoie vraiment des vibes... Ouais. Oui, il y a quelques moments qui marchent, plus de moments qui doivent marcher dans Dr. Sleep. Donc pour moi, les Tommyknockers, ça va en dessous Dr. Sleep. Et en soi, ça va en dessous du cinquième quart, parce que le cinquième quart, on l'a mis aussi bas, parce que vraiment, ça n'a aucun intérêt. Oui. Mais tu me dis de relire le cinquième quart, je m'en fiche, tu vois. Oui, voilà. Et Grand chauffeur, voilà, on le connaît, le souci de Grand chauffeur, c'est le message sur la loi du talion, le rape and revenge totalement dégueulasse. C'est ce message. Il y a des soucis voilà. De rythme aussi dans Grand chauffeur, effectivement. Aussi. Après, c'est beaucoup moins long, du coup. Ouais. Ça reste une nouvelle, enfin une longue nouvelle, dans le Grand chauffeur. Le message est beaucoup plus embêtant dans Grand Chauffeur, mais en même temps, déjà dans les Tommyknockers, on a signalé qu'il y a le traitement des personnages féminins, très principalement Anne, la sœur, mais aussi d'autres, qui est vraiment pas fou non plus, quoi. Ouais, qui est très problématique, c'est vrai. Ouais. Ça va pas au point de Grand Chauffeur où vraiment ça reprend les codes du Rape and Revenge qu'on aime pas du tout. Oui. Mais c'est là quand même. C'est là quand même et puis bah... Et c'est infiniment long. Et c'est infiniment long. Voilà, c'est ça. Donc je pense que malheureusement, les Tominokers va arriver à la toute fin de ce classement et atteindre la 59e place en bon dernier. Ouais, ouais, ouais, c'est dur, mais je pense que c'est mérité. Les Tominokers est actuellement le moins bon King que nous ayons lu. Ouais, je pense que ça j'espère risque... J'espère ne pas avoir à le relire. Voilà, je pense que ça risque... Oui, surtout, et je pense que ça risque de le rester un moment. Ouais, ouais. Et le classement des films. Donc, les films, il y en a actuellement 89 de classés, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, et aux 5 dernières Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Mann et Jorge Valdeciga, et Room 237 de Rodney Asher. Et donc... Ce qu'on a vécu est tellement horrible que j'ai même pas... Je suis même pas en mesure d'insulter cette merde de... de Room de... Désolé. Et le truc, c'est que c'est catastrophique, mais comme il y a beaucoup plus de films vraiment catastrophiques... Pour moi, ça va pas à la dernière place des films, tu vois. Clairement oui, pas. Oui, non, non, non, par contre, clairement pas. Tu vois, déjà, je suis absolument certain que ça me gêne moins que The Mist de Christian Thorpe et ses problèmes sur le personnage homosexuel violeur. Ouais, on est d'accord. Donc, déjà, il y a ça. Après, effectivement, on entre vite dans une zone de trucs... de trucs nuls... Où je pense qu'il trouvera sa place, par contre. Le Cobaye 2. Comment on se place ? Ah, mais c'est tellement nul, c'est tout ça, là. Ouais. Je pense que, limite, je me suis moins fait chier, en tout cas, que devant le Démon du Maïs de Donald P. Borcher. Ouais. Qui était vraiment atroce, quand même. Ouais, ouais, ouais, ouais. On a été un peu méchants avec The Mangler 2, finalement. Oui, oui, qui est fun avec des amis, c'est quand on le voit seul qu'il est compliqué. Ouais, c'est ça. C'est vrai que là, sinon, il y a des trucs très amateurs, genre le singe du diable, où vraiment, c'est à peine pro, c'est ça qui fait que ça marche pas. Oui, voilà, c'est ça. Et contre-temps, ça dure une plombe. Non, je pense qu'on peut aller bah, peut-être juste au-dessus du Donald P. Borcher. Juste au-dessus, ouais. Parce que je pense que le Fritz Kirsch... C'est chiant, mais il y a peut-être un ou deux trucs qui me plaisent un peu plus. Ouais, ouais, il y a peut-être un peu plus de... J'allais dire de professionnalisme, putain. J'ai failli imploser en disant ça. C'est pas tout à fait faux, hein. Dans mon souvenir, visuellement, il y a deux, trois moments qui fonctionnent à peu près dans Les Démons du Maïs de Fritz Kirsch. Et bah go, alors. Mais on est dans une situation limite inverse à ce qu'on a beaucoup mentionné, où on dit que les adaptations sont des gâchis. Là, limite, bah, c'est peut-être presque pas si mal étant donné le matériau de base, quoi. Ouais, c'est ça le truc. Ça partait vraiment, vraiment, vraiment de très très loin. Ouais, ouais, ouais. Il y a des passages de cette adaptation de Tominokers qui, à la limite, avec quelques grammes dans le sang et des copains, bon, allez, pourquoi pas. Ouais. Oui, oui, il y a des trucs un peu rigolos, le rouge à lèvres et tout, mais... C'est vrai que le rouge à lèvres, finalement, l'effet spécial de disparition des deux flics, on ne l'a pas évoqué, mais c'était vraiment ridicule. Oui, oui, ils s'en sont vraiment en flaque. Les inventions péraves, le distributeur de coca qui explose, ouais. L'attaque des poupées, voilà. Il y a des passages, à la limite, ça peut faire rigoler. C'est ça, faut faire une petite compile raccourcie des bons passages des Tominokers. Ah, tu les diffuses pendant un cut à la nuit d'Anarland, ça passe tout seul. Hein. Si on va faire le cut, Stephen King, il prendra toute une session de cut là. Pour leur faire comprendre ce que c'est. Ce qu'on vit, ouais. On subit. Mais donc voilà, les Tominokers, c'est terminé. C'est une bonne chose derrière nous. Ah oui. On se revoit dans 2 semaines pour parler de sûrement un chef-d'œuvre, les démons du maïs 5, la secte des damnés. La vache. Voilà. J'ai hâte. Ouais, ça va être bien, j'en suis sûr. Ouais. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi sur Twitter et Blue Sky. @chris-lostales sur Blue Sky pour moi. Nous sommes aussi sur Twitch, donc The Lost Tales, les mots sont séparés par un underscore pour toi et archiviste du cinéma pour moi. Et justement, sur Twitch, nous allons commencer. Alors attends, je vérifie les dates. Cet épisode sortira le 11. Eh bien, dans 3 jours, si vous écoutez le jour de la sortie, nous ferons normalement nos débuts sur une émission ciné Twitch qui nous permettra de parler un peu d'actu, un peu de différentes choses. Et à chaque fois, un de nous deux préparera un dossier sur des thèmes divers qu'on a envie d'aborder sans se mettre de limites pour le coup. Voilà. Le premier dossier sera traité par toi. Ouais, c'est ça. Sur les films de zombies japonais. Voilà, venez entendre parler de films de qualité. Surtout, c'est important. Voilà. Donc voilà, et ce sera disponible en replay, mais n'hésitez pas à venir nous voir en direct pendant l'enregistrement pour interagir éventuellement. Ça peut être très sympa. C'est quand même plus sympathique. Voilà. Je fais aussi des vidéos sur YouTube sur le cinéma japonais. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à nous suivre. Tous les liens sont dans les descriptions. On vous dit à dans 2 semaines pour les démons du maïs 5. Et en attendant, n'oubliez pas que le vidéo club de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut! Salut!